89.1. Jesus is beside himself. Jacob's in a state of decimation. The writing on the wall wasn't writing at all. Just forces of nature in love with our weather station. You could fall in love with Times Square. Times Square. Ricky est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ricky. Dans le loisir bien plus qu'un jeu, Marie-Laurence Audet viendra nous divertir et dans les coulisses de la lutte, Gabriel Méhoud nous fera bien rire. Assemblage Ricky commence tout de suite. Ça doit être ton âge qui avance, ton micro qui part en douille. Ouais, hein, je sais. Moi aussi, je trouvais qu'il cantait un peu mon micro ce matin. Donc, bon matin, bienvenue à Assemblage Ricky en ce mardi 15 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Avec Tania Bourdin. Bien sûr. Bon matin, on commence l'émission en direct. Bien sûr, on était là depuis une heure Et voilà, c'était comme les meilleurs moments de l'émission d'hier. Hey, j'ai chanté combien de chansons dans cette émission-là? Beaucoup, trop. Je pense 6 parce qu'on a chanté 2 fois, c'est un fait. Ouais. Et je pense 4 fois ton intro de chronique de Tania Bourdin. Mais quelle belle intro de chronique, hein? Ah oui, si ça crée un malaise chez vous à la maison... ma job est faite, comme on dit. Hein? Ben, c'est pas super. Ça a pas créé un si gros malaise, mais écoute. Ça t'a gêné, on va le dire. Quand même un peu. En studio, ouais, j'étais quand même comme, qu'est-ce qu'il fait? Si vous l'avez pas entendu, c'était il y a 5 minutes, fait que je pense que vous mettez votre cadran exactement à 7h32. C'est un peu bizarre de votre part. Ouais. Mais bon, je vous juge pas. On la rechantera tantôt parce qu'à 9h, on va encore avoir une autre chronique de Tania. Eh bien, oui. Et t'as toujours pas de vraie intro. J'ai toujours pas de vraie intro. Je pensais qu'après une journée, tu sais. Ben, tu te donneras le plaisir de rechanter mon intro. Tu me donnes la semaine, quoi? Ouais, c'est ça, on va dire ça. À l'émission d'aujourd'hui, Tania, à 8h, on va avoir Marie-Laurence Audet. Oui! Sa chronique Le Loisir, bien plus qu'un jeu, elle a Elle étudie en loisirs, culture, tourisme et archéologie et tout ça. Écoute, moi, je viens même pas à l'Université du Québec à Trois-Rivières et j'entends parler de cette fille-là un peu partout. Alors, je pense qu'elle est pas mal impliquée et que ça va nous faire de belles chroniques, en fait. Et pareil comme Visa, she's everywhere you wanna be. C'est ça, c'est Visa? Ou Mastercard? Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça, le slogan. Ah, d'accord. Justement, parlant de slogan, tantôt, je vais faire le bloc pub pour débuter l'émission. Donc, si je connais pas mes slogans, c'est que c'est ma faute de pas en regarder assez. Ah, peut-être. À 8h30, on va faire dans les coulisses de la Luitre avec Gabriel Béhoud. On va parler d'improvisation parce qu'il y avait un match hier spécial Impro-Olympiade que j'ai co-animé avec Maxime Tanguay. C'est pour ça que j'ai une voix un petit peu plus rauque que d'habitude, je pense. Ben, c'est pas si grave. Ça va juste détonner avec la mienne qui est très aiguë. Pour Hey, je t'ai complimenté en rond tantôt. Ah oui, c'est vrai. Tu as donc une belle voix. Merci beaucoup, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. C'est très gentil. Tu sais, je découpe les meilleurs moments pour Prérequis qui joue juste avant nous. Puis à la fin d'une phrase, j'étais comme, wow, ça, c'est une phrase qui est bien dite, Cognac. Avec une voix. C'est même pas sarcastique. Non, parce que j'avoue que tout a l'air sarcastique venant de Mathieu Plante. Ouais, je pense que c'est le ton dans lequel tu le dis. Je sais pas ce que j'ai, c'est même pas ma faute, je fais même pas exprès. Mais oui, en effet, je le réalise. C'est un super pouvoir que j'ai. Et voilà, t'as tout dit, c'est un super pouvoir. Moi, ça, c'est du sarcasme, je te le montre. Ouais, c'est du sarcasme. Parce que clairement, je le crois pas, là. Ouais. On sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ah. C'est si difficile. Et on l'a dit à 9h, Tania Baudin. Dans quelques instants, le bloc pub, on va parler de marketing, d'idées publicitaires. Pas nécessairement de. On va pas regarder les pubs à radio. Ça serait plutôt difficile à décrire. Rarement. On le fait un peu, mais rarement. Le moins possible. Mais pour l'instant, en passant, on a débuté l'émission tantôt, juste avant le générique d'ouverture, avec une pièce qui s'appelait Dream Lover par Destroyer sur l'album Poison Season. Je t'ai eu. Oui. Tu nous fais une autre suggestion parce que ça, tu l'as joué hier en piste. Oui, c'est la première fois que je faisais jouer du Destroyer. J'étais un peu prise dans mes affaires. Puis là, j'ai pas eu le premier CD devant moi. Ah, et j'ai adoré ce que j'ai écouté, en fait. Fallait pas que tu me dises. T'as l'air intelligente, sinon. Ouais, j'aurais dû. Maintenant, un peu moins. Mais non, mais c'est une belle découverte musicale. Oui. Alors, ce matin, je suis vraiment très contente de vous l'avoir fait découvrir aussi, comme ça, si tôt ce matin. Je trouvais que ça allait bien dans l'émission du matin. Et bien, en fait, tout à l'heure, on va écouter du Teen Days avec la pièce Morning World. Et on est concept ce matin, en toute fit avec le matin et le café. Et, hot! Ça n'a aucun bon sens. De toute façon, là, je requis jusqu'à 9h30. Ah, les choses qu'on peut se dire en ronde, qu'on ne dira pas en onde. Eh, faudrait pas. Faudrait pas que ça se sache tout ça. Faudrait pas qu'un micro reste ouvert. C'était arrivé encore hier, là. Pour vrai. Pendant comme une demi-seconde, là, mais c'était comme... C'est quoi qui vient de jouer, non? C'est drôle. On va entendre Teenage et Pink sur l'album Morning World. Ah non, c'est la pièce Morning World de l'album Morning World. Tu me l'as fait changer. Et voilà. Oui, je suis désolée. De par ta décision de fille qui prend des décisions. Et voilà. C'est ce que ça fait. C'est tout en ça que ça fait. Ah, vous êtes à l'assemblage requis à 7h46 en ce mardi matin. Oui, 7h46 déjà. Mais maintenant, peu importe l'heure, en fait, si vous écoutez d'autres radios, à chaque 10 minutes, il y a de la pub, tu sais. Nous ici, on joue ça une fois par demi-heure, puis c'est pas très très long, puis on vient, puis rien là. Personne s'en est rendu compte qu'il y avait eu de la pub, tu sais. C'est comme ça. Dis la fille qui parle des pubs, c'est ça. Ouais. Tout le monde les écoute. Tout le monde les écoute. Pas choix. C'est le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Ah, ah. Je préfère le good. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. Le pire, c'est que quand on a fait cette intro-là l'année passée, il n'y avait pas encore des voyants sur VTL à minuit le soir. Oh. Là, c'est encore plus drôle parce que c'est revenu. Oui. C'est vraiment très drôle. C'est dans la vraie vie. Direct dans le mille. Incroyable, mais vrai. Donc, c'est le bloc pub, là où on parle de marketing et d'idées publicitaires pour faire vendre les choses. Commençons avec une campagne qui, moi, m'intrigue vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec le féminin et le masculin dans la vie, Tania. Je suis une de ceux-là, je crois. Ah, j'ai jamais remarqué. Donc, l'agence Cartier a réalisé la campagne de lancement du Petit Larousse Illustré 2016 qui se décline en affichage et à la radio. Afin de lancer son Petit Larousse Illustré 2016, Hachette mise sur l'apport du dictionnaire pour éviter les pièges de la langue française typique aux Québécois. L'offensive se décline en affichage sur ascenseur, panneau routier, côté d'autobus. Deux publicités radio ont aussi été produites. Peut-être l'avez-vous entendu avec la voix de Pierre Brassard. Donc, l'agence derrière la campagne, c'est Cartier, comme on l'a dit, et il lance un clin d'œil à l'auditoire, la plateforme créative s'inscrivant dans le positionnement de proximité avec la culture des familles québécoises que défend la marque depuis quelques années. On n'écoutera pas les publicités télé, mais on va parler du marketing visuel. On voit, par exemple, un autocollant apposé sur un ascenseur et ça dit sur l'ascenseur « une ascenseur ». Est-ce que c'est un ou une ascenseur, Tania? Je sais tellement un pas. Ascenseur. C'est un ascenseur. Et on entre dans l'ascenseur et t'as la publicité pour le petit Larousse illustré. Mais je trouve ça très bon. Tu sais, c'est une des choses les plus difficiles à savoir dans la langue française, je pense, la plupart du temps. Tu sais, c'est un ou une? C'est une bonne article dans le journal, c'est une bonne épisode d'une émission de télé. C'est le contraste, c'est ça. Ouais, c'est voilà. Ça. Un autobus, par exemple, bon, c'est un autobus. Est-ce que c'est un ou un autobus? Je veux pas une le gêner en c'est un autobus. C'est un autobus? Ouais, c'est un autobus. Ah ouais, c'est un autobus? Ben, moi, ce que j'ai appris dans mon cours de français, c'est que les véhicules sont toujours masculins. Presque. Presque. Mais c'est une voiture. Ouais, c'est boom. Ça, c'est presque. Boum! Dans ta face! Un ou une autoroute? J'arrête. Une autoroute. Ouais, je pense que c'est une autoroute. Ça, je pense que t'as raison là-dessus. Mais peut-être que j'ai tort aussi. On va voir. Abercrombie et Fitch qui renoncent au marketing sexualisé. Nous ne tolérerons plus la discrimination fondée sur l'apparence physique ni la beauté, dit ironiquement peut-être. Probablement très ironiquement. Ils font juste engager des belles personnes. Donc, comme un accord avec Fran Horowitz, président de Hollister, autre marque d'Abercrombie & Fitch, les deux dirigeants ont annoncé qu'à partir de récemment, le code vestimentaire, entre autres, subira des changements faisant partie de leur plan pour satisfaire davantage d'acheteurs. La maison américaine de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch a enregistré des résultats en baisse ces dernières années. Ses bénéfices ont chuté de 5,1% en 2014. Elle a été confrontée à des plaintes pour discrimination. Elle adopte un changement de positionnement dans le but de parer à cette perte de vitesse. On avait entendu parler à travers les années passées de gens qui se faisaient pas engager parce qu'il leur manquait un manque. Mais je me souviens aussi d'une des publicités qui disait que les filles qui s'habillaient chez Abercrombie & Fitch, en fait, c'était des filles qui étaient de taille très petite et que les autres n'étaient pas très, très bienvenues. Du moins 5 ou... Alors, moi, j'ai l'impression que c'est très ironique, cette petite campagne-là. C'est bizarre. Donc, les vendeurs seront désormais appelés des représentants de la marque et non plus des mannequins. Ils ne pourront cependant toujours pas porter de maquillage ou des bijoux outranciers, mais les règles deviennent plus laxistes. Par exemple, les gérants peuvent maintenant décider des endroits et de la façon dont sont disposés les produits. Le détaillant a entamé les modifications l'année passée dans les boutiques Abercrombie et Fitch. et Hollister, lumière augmentée, musique baissée, utilisation beaucoup plus légère des parfums d'ambiance. Mais le plus gros changement réside dans l'abandon de l'utilisation de jeunes hommes au torse nu lors de l'ouverture des magasins ou d'autres événements promotionnels. Donc d'ici la fin de l'été, là, ça vient d'arriver, il n'y aura plus de marketing hypersexualisé utilisé dans les dispositifs incluant les photos dans les boutiques, les cartes cadeaux et les sacs servant aux achats. Je sais pas, ça va faire encore plus baisser les ventes. Mais tu te souviens-tu, pour... je sais pas en fait si tu l'as vu, le film avec Zac Efron qui faisait partie d'une sororité, c'est Les Voisins. Ah oh non, je suis un grand fan pour toi, Manon. The Neighbors. Non. Et à la fin, c'est tout ce qu'il trouve à faire de sa vie, c'est devenir mannequin à l'ouverture d'une nouvelle boutique à Abercrombie & Fitch. Wow. Tu l'as vu, Charlie Sinclair? Oui. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. Mais bon, sur ce, c'est bon, terminons de parler de Zac Efron. Un stunt en 3D pour Devmont avec Avast Worldwide Canada. C'est un concours Rouge 6 Condominiums qui est également en cours. Innovation technologique à la gare centrale de Montréal pour souligner la prévente des condos Rouge 6. Le promoteur immobilier Devmont déploie en partenariat avec Avast Worldwide Canada. Donc, c'était au mois d'avril et mai. Immense boîte permettant aux passants dans laquelle les... aux passants dans laquelle... C'est quoi ça, cette phrase-là? Boîte permettant aux passants dans laquelle les passants... C'est une drôle de phrase. Ouais, c'est très bizarre. Sont invités à entrer et à traverser la terrasse afin de visiter en temps réel la terrasse sur le toit du projet immobilier alors même qu'elle n'existe pas encore. Donc, on peut voir les photos sur assemblagerequis.com. Les gens pénètrent à l'intérieur de la boîte et il y a des images en 3D sur les murs qui sont projetés. Les passants recevaient également une clé numérotée leur permettant de courir la chance de gagner une remise de 25 000 $ sur l'achat d'un condo Rouge 6. Quand on même. S'entend que c'est un rabais de 25 000 $ et ton condo coûte vraiment cher. Aussi, mais ça ne veut pas nécessairement dire que déjà en partant, tu voulais l'acheter. Tu as juste gagné la clé qui te donne le rabais. Ah, ah, bon point. Toujours un bon point. On va revenir aussi aux hommes torse nu. On aime ça le matin. Je sais pas pourquoi je parle de ça. C'est parce que tu sais que t'as une co-animatrice qui aime beaucoup ça. C'est pour te gâter, probablement. Voilà. Donc, Fruit of the Loom qui optimise la notoriété et la présence de ses sous-vêtements. Pour voir sa nouvelle gamme de sous-vêtements pour hommes, Fruit of the Loom a produit un canular d'envergure. En avril, le faux designer Frank Laurent lançait une campagne pour son nouveau produit qu'il décrit comme le futur de la mode, le plastique. Des publicités, de l'affichage extérieur, une expérience web, des comptes sur les réseaux sociaux et des hommes paradant dans les rues de New York et de Los Angeles en pantalons de plastique transparent faisaient tous partie de cette offensive. Ce qui se cachait derrière l'initiative, une campagne de Fruit of the Loom afin de lancer sa gamme de sous-vêtements colorés pour hommes. Les pièces étaient en effet bien visibles sous les pantalons de plastique. Pour l'agence CPNB, ça c'est Crispin Porter & Bogoski, l'inspiration est née d'une publicité télévisée où des hommes en pantalon de plastique illustraient à quel point les dessous restaient bien en place malgré le mouvement. Son équipe y a vu une occasion de réaliser un coup d'éclat qui permettrait vraiment d'attirer l'attention et de créer une conversation avec, entre les consommateurs. Des indices étaient laissés ici et là, révélant que Fruit of the Loom était derrière ce coup publicitaire. Par exemple, il arrivait que Frank Laurent interagisse avec la marque sur les réseaux sociaux. Le logo était aussi subtilement placé à divers endroits stratégiques. La vidéo ne dit pas grand-chose de plus. Mais c'est une très bonne idée, hein? Oui, par contre, c'est une très bonne idée faite sur des hommes. Si ça avait été fait sur des femmes, bon point. Oh mon Dieu, on aurait eu des femmes, là, tu sais, là, les femmes, qui se seraient pitchées pour déclarer les droits des femmes et... l'hypersexualisation dans la chose, mais vu que c'est des hommes, c'est correct. C'est ça. Égalité. Un magazine imprimé avec du sang séropositif. Vanguardist, un magazine autrichien, donc d'Autriche, hein, comme on dit. Ouais. A imprimé sa plus récente édition avec une encre mélangée. Ah, j'aurais pas imaginé que c'était une encre. J'aurais peut-être dit un encre. Mais en même temps, quand tu y penses, ça a du sens que ce soit une encre. Ouais, t'as raison. Tu vois, c'est les mystères de la langue française, c'est ça. Comme ça. Mélangé au sang de séropositif, une initiative signée par la succursale suisse de Saatchi & Saatchi. Ils ont voulu prendre position contre la stigmatisation et les peurs irrationnelles entourant le VIH et les séropositifs. Cette initiative signée Saatchi & Saatchi est sans danger. Le sang ayant été chauffé après prélèvement afin de tuer le virus. Tenir ce magazine, je cite ici, c'est comme tenir un séropositif, rien de mal ne peut vous arriver. Le magazine n'existe habituellement qu'en format numérique, cependant pour l'édition de mai ayant pour thème les héros du VIH. Alors, une sauce à steak, hein, la sauce VIH. Ouais, sauce VIH. Une exception a été faite, ainsi 3 $ séropositifs ont donné de leur sang. Un homosexuel de 26 ans, un hétérosexuel de 32 ans et une femme de 45 ans infectée par son mari dont elle ignorait la séropositivité. Elle ignorait qu'elle était mariée à lui aussi. Mais attends, c'est comme marqué, le magazine n'existe habituellement qu'en format numérique. Ça, ils l'ont l'impression. Sauf qu'un peu plus tôt, c'est marqué Tenir ce magazine, c'est comme tenir un séropositif. C'est un numéro spécial. OK. Donc, le magazine est spécial comme un séropositif est spécial. OK. Tu comprends? Le sang récolté a été dilué dans de l'encre, une dose de sang pour 28 d'encre, et en servi à imprimer les 3000 exemplaires. Cette opération fait écho à un des plus gros événements caritatifs du monde pour lutter contre le sida. C'était le Life Ball qui a eu lieu tous les ans, pardon, qui a lieu encore aujourd'hui tous les ans à Vienne. C'est la ville où on publie Vanguard List. Cette édition est emballée dans une pochette de plastique pour des raisons juridiques, mais cette contrainte invite les lecteurs à surpasser leurs propres préjugés en ouvrant l'emballage. Des exemplaires peuvent être commandés en ligne pour 50 €, dont 68 $ canadiens, et tous les bénéfices étaient versés à une organisation caritative. 15 000 exemplaires imprimés normalement sont également offerts à 13,50 $, donc imprimés sans l'encre spéciale. Voilà, donc pour ce magazine, je trouve ça vraiment intriguant quand même comme idée. Mais je me demande si ça sent quelque chose. Je sais que c'est mélangé à l'encre. Oui, 28 parties d'encre. Mais tu sais, du sang, ça sent quand même. Ça se sent, du sang, ça se sent. Ça sent le fer. Sans dire que ça sent le sang. Oui, sans dire que ça sent le sang, oui. Oui, c'est comme un verre à devant de terre. Mais ça, c'est le genre d'interrogation que j'ai dans la vie. T'es quoi? Comme Bibi. On pourrait t'appeler Tania Bibidin. Ouais, on pourrait faire ça. Je suis pas certaine, par contre. On ne peut pas faire ça. Non. Allons-y avec, si vos poumons ne parlent pas, ils peuvent peut-être écrire. On va rester dans le domaine de l'écriture. L'organisme Thai Health Promotion Foundation et l'agence BBDO ont prélevé du goudron de cigarette sur les poumons de fumeurs afin de créer de l'encre noire. Bon. Dans le même genre, hein? C'est vraiment dans le même genre, mais c'est des bonnes idées, il faut juste y penser. C'est ça. C'est comme si je les avais choisis pour les mettre d'un côté de l'autre. Hein? C'est ça. C'est nouvelle. L'encre a ensuite été distribuée dans des lieux publics et les gens étaient invités à partager leurs créations sur les réseaux sociaux. L'offensive vise à soutenir la lutte contre le tabagisme et à convaincre les fumeurs d'abandonner la cigarette pour de bon. Puisque 90% des fumeurs thaïlandais veulent arrêter, mais n'y arrivent pas, l'organisation a voulu mener une campagne choc intitulée « The Message from the Lungs ». Il y a une petite vidéo qui a été réalisée pour montrer la fabrication. On va écouter un petit peu le message et le décrire un peu. On voit de l'encre dans l'eau. Hein? Ah, j'ai enlevé le volume tantôt. Voilà. Ceci n'est pas de l'encre ordinaire. Parce qu'un homme a travaillé dessus toute sa vie. Un homme qui a passé 50 ans de sa vie à essayer de rendre chaque goutte. Je comprends comme mal la phrase, m'excuse. The message from the lungs, un message provenant de ses poumons. En Thaïlande, 90% des fumeurs veulent arrêter. La plupart n'ont jamais la chance de le faire. Parce que leur corps ne les a pas avertis avant qu'il soit trop tard. Thai Health Promotion Foundation voulait en présentant un message d'avertissement de l'intérieur du corps. Ils ont coopéré avec la faculté de médecine de Chulalongkorn University. Pour créer la première encre fabriquée à partir des poumons d'un fumeur. Ils ont extrait la substance noire des poumons donnés par un ancien fumeur. Ils ont mis ça dans un petit pot et distribué ça dans les endroits publics. Tu sais, quand tu dis que ton corps sert à la science après ta mort, est-ce que c'est ça? Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Et bref, le message s'est fait entendre partout dans le monde et on montre des extraits de bulletins de nouvelles. Je pense qu'on a compris l'idée. C'est vraiment marqué de Black Lungs Inc. Exactement. Sur la bouteille. Fait que tu sais, déjà en partant, tu sais ce qu'il y a dedans. T'as pas le choix, là. En même temps, qui écrit avec de l'encre? C'est une très bonne idée, en fait. Surtout pour faire réagir les gens par la suite. Exact. Des canettes de Coca-Cola en braille pour les aveugles, pour terminer. Deux nouvelles campagnes pour Coca-Cola affichent des canettes et des bouteilles imprimées en braille pour que les aveugles puissent les lire. Au Mexique, l'agence Anonymo a constaté que la célèbre campagne Share a Coke, permettant à chacun de trouver son prénom sur une canette de la fameuse boisson, ne pouvait pas être goûtée par tous. En collaboration, parce que les gens ne savaient pas que c'était du Coke, j'imagine, en collaboration, les deux parties ont donc créé des versions en braille de la canette rouge. En Argentine, Coca-Cola et l'agence Geometry Global ont imprimé en braille sur les bouteilles les prénoms des joueurs de l'équipe Los Murcielagos, les chauves-souris, avant de leur distribuer. Cette initiative s'inscrit dans la lignée de récentes opérations de grands annonceurs. Ainsi, des marques comme Dove et Huggies ont récemment mis en vedette des non-voyants dans leur pub. Merveilleuse idée. Alors, on n'a pas le temps d'écouter les publicités, mais quand même, bonne idée. Ça manque de violon, mais c'est... Ça manque de violon. C'est cute. C'est cute, mais tu sais, hein? Faut intégrer tout le monde. Mais c'est ça, mais c'est bien passé. Exact. C'est très intelligent, par contre. Plus de... Je me demande si ça coupe. Le braille ou... Ouais. Ça, c'est sûrement... J'imagine que c'est pas... Ça, c'est des bosses. J'imagine que c'est arrondi, c'est ouais. C'est ça, c'est arrondi. C'est pas... Tu penses genre qui ont percé des trous puis qui ont fait sortir le métal. Mais quand tu passes ton doigt dessus, t'as comme l'impression de, du Coca-Cola sur ton doigt pour toujours. T'as comme la marque. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, voyons. OK, voyant. Mais tu sais, ça aurait pu être pointu. Tu sais, ça aurait pu ne pas être arrondi. Ça aurait pu... J'imagine qu'ils ont pensé à ça. Mais j'imagine. Mais bon point. Bon point. Moi, j'ai jamais trouvé ma bouteille avec mon nom, toi. Ben toi, c'est parce que ton nom, il y a un Y à Tania, là. Ouais. Mais moi, probablement que si j'allais aux États-Unis, je le trouverais. Probablement. En fait, je suis allé dans une distributrice à l'EQTR. Oui. Tu sais, là où tu te fais fourrer parce qu'ils ont baissé le format de la bouteille puis qu'ils ont monté le prix. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Il y a moins de liqueur dans la bouteille pour plus cher. Non, c'est vrai. Et je suis tombé dessus par hasard, c'était marqué Mathieu. J'ai pris ça en photo puis c'est sur mon Instagram, fait que t'es revoir ça. Ah, je vais aller voir ça. Plante moi, Mathieu. Si jamais vous trouvez une bouteille de Coke marquée Share Coke with Tania avec un grec. Envoyez-moi là. OK. Je prends ça en note. J'ai des doutes. Ouais. C'est tout pour le blog pub. Les liens sur assemblagerequis.com. Au retour, Marie-Laurence Audet et le loisir bien plus qu'un jeu. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours Assemblage Reiki en ce mardi 15 septembre 2015, il est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Tout à fait, merci beaucoup. On va avoir le rythme un jour de se présenter l'un l'autre. Là. Oui. Elle me laisse continuer de me présenter moi-même. Non, c'est comme si je cherchais quelque chose. OK, c'est bon. Je peux pas tout savoir, moi, là. Mais non, je sais. Faut tu vois pas mon écran. C'est ça, non, une chance, hein, des fois. Hein? Zac Efron, encore. Eh, même pas. Ouais. Jonas Brothers. Non, même pas. J'espère. Ça serait tellement plaisant. Non, moi, je connais seulement des filles, en fait, on dirait, cette année, parce que tous les gars sont partis. c'est Marie-Laurence Audet. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Bonjour Marie-Laurence Audet. Bon matin. Ça va bien? Oui. Tu connais Tania avec un Y? Oui, oui, maintenant. Maintenant, on se connaît. Tu peux partager un Coke avec elle. Ben, c'est ça. Si je trouve la bouteille. C'est voilà. Rare. Et donc, Marie-Laurence qui va être avec nous à chaque deux semaines cette session-ci. Exactement. Pour nous parler de loisirs, de divertissement, de récréologie, de tout ce qui est plaisir hors travail. Exactement. En fait, je m'adresse pas juste aux étudiants en loisirs, je m'adresse vraiment à la population en général, à tous ceux qui veulent bien nous écouter à cette heure-ci du matin. Le petit peuple. Le grand peuple. Le grand café, minimum 6 pieds. Puis, pour faire la présentation rapidement pour nos nouveaux auditeurs ou pour Tania avec un Y. Ah! Oui! En fait, je présente à chaque deux semaines une chronique qui concerne le milieu du loisir sur des sujets vraiment diversifiés. Ça peut être comme... Ah, je vais pas te dire le punch d'aujourd'hui, finalement. Non, non, non. Regardez le punch. Mettons jeux de société l'année passée, jeux de rôle. Il y a eu les jeux de société, il y a eu... Il y en a eu, là, attendez. Le bénévolat. On peut être en culture, on peut être en sport, on peut être en divers sujets. Ça concerne autant les jeunes, les parents, les grands-parents, la notion des bénévoles dans la société, peu importe. Tu as parlé d'handicapés aussi, ouais, à un moment donné. D'intégrer l'accessibilité et tout. Donc, c'est vraiment de parler de tout ce qui est en dehors des obligations. C'est vraiment de vulgariser, parce que souvent, je sors des textes scientifiques que je rends accessibles au grand public. C'est des informations qui sont utiles dans le quotidien aussi. Là. Tu vulgarises. Je vulgarise. Mais on aime ça, les gens qui vulgarisent. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu nous as amené un sujet secret. On n'a pas fait de spoiler. Est-ce que tu me parles de Game of Thrones? Pas de spoiler? Non? OK. En fait, je vous parle d'un sujet d'actualité en cette fin de saison estivale. Enfin, même si j'espère qu'il va encore faire chaud longtemps. En termes de... Les vacances d'été sont finies. Oui. Je vous parle des fameux camps de jour. Ah oui. Puis en fait, ça concerne tout le monde parce que soit que vous avez des enfants ou des voisins, des cousins qui sont allés, soit que vous-même avez été ou êtes animateur, soit que vous avez à gérer avec des organismes qui font affaire avec les camps de jour parce que vous travaillez pour une ville ou autre. Donc, je vais vous parler de... Il y a André Thibault, qui est un grand professionnel du milieu du loisir, a réalisé un texte qui a été publié dans l'Observatoire québécois du loisir. Puis ça faisait état d'une enquête qui a été menée il y a 10 ans sur la réalité des camps de jour, qui révélait dans le fond tout le côté plus déficient des camps de jour. Puis depuis 10 ans, qu'est-ce qui a été fait pour l'améliorer, le chemin qui reste à faire et tout. Et quand le titre de l'article, c'est « Les camps de jour, le chemin est encore long ». On sait qu'on n'est pas arrivé non plus à la perfection. Ouais, hein? Mais au moins, tu sais que tu vas pouvoir chanter une petite chanson quand tu marches dans le bois. On a vu une amélioration, mais en même temps, on a vu aussi des attentes plus élevée de la part des enfants, de la part des parents, de la part des animateurs, de la part des directeurs. Donc, ça, c'est pas encore... On n'en est pas à la perfection. Tout est en éternelle amélioration. Des attentes et des sacs de couchage. Mais les gens sont de plus Non, parce que là, je parle de le camp de jour, pas de camp de vacances. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose. Okay. Focus, Mathieu. J'ai le droit de faire un jeu de mots de tente si je veux. Vas-y, t'as le droit, mais juste ce matin. Juste celui-là. Puis en fait, quand on a sonné l'alarme il y a 10 ans concernant l'état des camps de jour, on a vraiment parlé de tout ce qui était la qualité des programmes qui étaient offerts dans ces journées de plaisir et de vacances-là. On a parlé de la compétence des animateurs qui était remise en question, de la sécurité concernant les activités, les sites utilisés pour les jeunes, puis tout le côté du partage du financement entre les municipalités et les camps de jour. En fait, je vais vous faire un petit quiz. Parce que j'aime ça faire des petits quiz de chiffres pendant On n'a pas de buzzer. Es-tu prêt? On buzzerait avec notre bouche, Matt. Okay. En 2011, le Québec comptait combien d'enfants âgés de 6 à 14 ans, qui est la clientèle des camps de jour? C'est difficile, attends un peu. Le combien qu'il y a de monde au Québec, en général, je sais pas. Ouais, c'est ça, je sais même pas. Faudrait qu'on travaille en équipe, là. Vous hésitez en équipe, il n'y a rien de productif. Ouais, c'est ça. Je dirais autour de, je sais pas, moi, 100 000, c'est-tu raisonnable? Je sais pas, on dirait que j'irais dans un million, moi. Ah ouais, t'irais dans un million? Un million. Mais mettons, vous êtes une pas pire équipe, c'est comme un peu central comme réponse. Phew. En 2011, le Québec comptait 735 000 enfants qui étaient âgés de 6 à 14 ans. Et ça, c'est vraiment la clientèle cible des camps de jour. Ils ont commencé à aller à l'école, sont pas encore en âge de travailler ou d'avoir bientôt 16 ans, donc d'avoir la dérogation pour pouvoir travailler. C'est la clientèle cible. Il y avait combien de jeunes parmi ces 735 000-là qui fréquentaient les camps de jour municipaux? Parce qu'on a des camps de jour qui découlent des villes et on a des camps de jour privés. Ah, mon Dieu. Alors, qui découlent des villes, on aurait combien de jeunes sur les 735 000? Là, on regarde ceux, mettons, qui n'ont pas l'argent pour le faire. Ouais, mettons. Ceux qui ont trop d'argent, fait qu'ils vont aller ailleurs que dans des camps de jour. 350, mettons? Moi, j'aurais dit le tiers à peu près. Ouais. Fait que moi, je dirais peut-être 200, okay, 250 000. 200 000, c'est bon, Mathieu. Merci. 200 000 jeunes. Oh, wow! Pile, boum! Tu viens de gagner une bouteille de coke avec ton nom. C'était 2000. C'est ouais, juste 200 000 jeunes qui fréquentent les camps. En 2011, il y avait 200 000 jeunes sur les 735 000 qui fréquentaient les camps de jour municipaux. Maintenant, combien de ces jeunes-là fréquentaient les camps de jour publics et privés en dehors des villes, là? J'ai l'impression que c'est encore moins que ça. Oui. Ben c'est sûr que ça c'est sur une pour bonne les 200 000. Ouais. À date, je pense, ouais. La moitié, ce serait encore trop. Je trouve la moitié, c'est trop, là. Encore le tiers, peut-être. Ouais. Donc, le tiers de 200 000, ce serait quoi, genre? Non, pas le tiers de 200 000. Par rapport à 735 000, il y en avait 200 000 dans le municipal, puis il y en aurait combien dans le privé? Donc, 500 000, parce que est-ce qu'il y a d'autres sortes de camps de jour que les deux? Ben, il y a ceux qui y vont pas. Ouais, c'est ça. Puis... là, comment on l'a divisé, c'est vraiment les camps de jour municipaux, les camps de jour privés et... Et le reste? Ceux qui n'y vont pas. 150. Ah ouais, c'est bon! Direct dessus, Mathieu! Oh, fuck you, là! C'est pas vrai! Non, c'est vrai, je te jure! Fait que, il est où mon billet de loterie, là? Ah! Mais là, ça, c'est le karma que ta bouteille de coke et ton nom. Voilà, c'est parce que tout en a trouvé. Donc, avec ce calcul-là, on peut voir que nos 200 000 plus nos 150 000, 350 000 jeunes fréquentaient les camps de jour. Donc, ça, c'est ce qui équivaut à 34 % de la population des 6 à 14 ans. C'est énorme, puis on peut pas prendre à la légère la réalité de ces camps-là parce que ça concerne une énorme partie de la population. Et c'est pas juste la réalité d'un village, d'une grosse ville. C'est une réalité partagée au Québec parce que les camps de jour, c'est un concept assez québécois aussi. Ah, quand même, hein? Fait que, tu sais, il y a des colonies de vacances ailleurs aussi, mais le concept de camp de jour municipal est vraiment... on en a une version très québécoise. Ouais. Les petits bouts de jour. Les petits bouts de jour. Ils ont souvent des petits desserts, c'est le dos. Oui! Puis, c'est ça. Donc, on peut pas prendre à la légère cette réalité-là. De là est sorti ces éléments... cette alarme sur la réalité et l'état des camps de jour. Officiellement, chaque direction de camp de jour est autonome dans sa gestion. Il n'y a aucune norme, aucune loi qui régit de comment tu devrais gérer ton camp de jour municipal. En fait, les seuls éléments officiels que dépendent les camps de jour, c'est toutes les lois et codes qui s'appliquent à tous les services publics et municipaux des villes, donc un service comme un autre. Mais il n'y avait rien pour l'instant à cet effet-là il y a 10 ans. Depuis 10 ans, on s'est dit qu'il faudrait fixer des balises, il faudrait vraiment mettre en place toutes des orientations, rehausser la qualité du personnel. Puis ça s'est fait, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est présentement, mais on reste que ça ne s'est pas encore fait partout, qu'il y a plusieurs petits villages qui restent en état de survie parce qu'il n'y avait pas le moyen d'investir ou de développer cet effet-là, soit qu'il n'y avait pas une grande quantité de jeunes qui allaient au camp, soit qu'il y avait un camp avec un groupe quasiment. Ouais, là. Donc, rendu là, tu peux pas autant développer. Tu as les animateurs que tu as parce que ça fait partie de du village que tu possèdes, t'as pas un bassin de choix, tu peux pas investir dans la formation. T'as pas de bassin, fait que tu peux pas jouer au hula hoop. Celle-là, il était pas pire. T'es pas merci, Kim. Mettons, oui. 1 sur 10. Combien? Elle était bonne. Je te donne 2 sur 10. Donc, on a l'Association québécoise du loisir municipal et l'Association des camps du Québec qui ont élaboré ce qui s'appelle maintenant le cadre de référence pour les camps de jour municipaux, pour baliser, pour donner des orientations, pour donner aussi des points fixes, parce que quand tu arrives comme directeur, tu as beau avoir été déjà animateur par le passé, tu n'as pas tous les éléments de gestion et tu ne restes pas là pendant 50 ans nécessairement. C'est un poste, beaucoup de roulement. Donc, c'était soit toujours à recommencer ou encore la personne essayait du mieux qu'elle pouvait pour le temps qu'elle était là selon sa mentalité. On a aussi le Conseil québécois du loisir qui a mis en place puis qui a pris en charge tout le côté par rapport aux animateurs, au personnel, qui est le programme DAFA. Donc, ceux qui animent connaissent maintenant ce programme-là, qui n'est pas parfait non plus. On va en reparler plus tard. D'abord, il va falloir faire mieux, comme on dit. Oui, mais il faut toujours partir d'une base pour l'améliorer aussi. À un moment donné, là, on a quelque chose. On n'avait rien, là, on a de quoi. On tient de quoi. Sauf que c'est de voir qu'il y a plusieurs acteurs du milieu du loisir qui se sont rassemblés en prenant en considération cet état un peu déficient des camps-là. Et ça, c'est vraiment une belle réalité parce qu'ils ont plus qu'un dossier sur leur bureau. Donc, de prendre en considération cet élément-là était apprécié. En fait, maintenant, c'est plus formalisé, mais il n'y a quand même aucune autorité officielle au Québec qui chapeaute les camps. Ça, ça peut rester... On peut développer là-dedans. Là. Ouais, c'est ça, hein, quand même. C'est pas réglé, mais pour l'instant, il n'y a aucune autorité. On a une association des camps du Québec qui oriente, qui balise, qui donne des outils, mais il n'y a rien qui chapeaute et qui normalise réglementation officielle. Au quotidien, sur le terrain, un autre petit quiz. Dans les camps de jour, bon à date, au quotidien, sur le terrain, il y a combien d'animateurs par année? En moyenne. Mon Dieu. Ça doit pas être une centaine, non, certainement. Non, c'est clair que non. Même pas à moitié, sûrement pas de ça. Sûrement pas. Je dirais quasiment une vingtaine. 25, maintenant. Attends, je pense que vous n'avez pas bien compris la question. Non, je pense pas. Okay. Au Québec. Okay. 25. Au Québec, au quotidien, sur le terrain, pendant notre saison estivale, combien d'animateurs Là, on a dit tantôt qu'il y avait en tout combien d'enfants qui étaient dans des camps. C'est moi, on met les deux ensemble. 250. 1000. 1000. Oui. 250 000. Donc, le nombre de moniteurs, probablement un pas pour 1000, un pas pour 100. Fait que probablement. Mettons un pour 25. 2000. Ouais, ben là, tu les maths, ça. Ton ratio, il est trop élevé, c'est pas ça le ratio. Ouais. C'est 1 pour 15. Ok, 1 déjà. 1 pour 15. Bon. Fait que j'abandonne ma réponse. On dirait dans. Ben, je sais pas. Attends un peu, là, les maths. Aux alentours de. Hey, pour... 3500. Vous êtes loin, là. On monte. Ah ouais? 25 000. Oui. Au quotidien, sur le terrain au Québec, pendant l'été, près de 25 000 animateurs œuvrent à occuper, éduquer vos enfants. Wow! Près de 25 000 animateurs. Ça, là, c'est beaucoup de monde. Ouais, et on les nomme. Oui, c'est ça. On fait la liste de présence maintenant. Gogun. C'est quoi ton nom, Marie-Laurence? C'est-tu Gogun pour moi? Non, moi, c'était Dynamite. Dynamite? Oui, mais moi, j'étais pas en camp de jour, j'étais en camp de vacances. C'est pas la même chose, non, ça? Non, c'est pas la même chose. J'étais en camp de vacances. Ça, c'est du 24 heures sur 24. Ah, c'est pas pareil. Puis, ça coûte plus cher pour le parent. Puis, l'enfant qui est là, il y a un intérêt plus grand. C'est pas juste un service de garde de jour pendant que maman et papa travaillent. Je te dirais que c'est très différent la clientèle qu'on a. Moi, la plupart du temps, c'est l'enfant qui dit « Ah, je veux aller en colonie. » Parce que le parent, pour payer le triple du prix du camp de jour, il s'assure qu'il y a quand même un intérêt de la part de l'enfant. En même temps, tu as les enfants de riches aussi que le parent, il fallait qu'il parte à Cuba. Fait que... Non, mais tu sais, t'en as toujours un. Ben oui, évidemment. T'sais, minimum un. Minimum. Sur 15. Donc, sur les 25 000 animateurs qu'on a par année, il y en a combien de nouveaux à chaque année? Quelle proportion du 25 000, c'est là? Ah? Sont nouveaux. Je dirais qu'il y a quand même un bon roulement là-dessus. Probablement, mais il y en a qui sont vraiment passionnés là-dedans, fait qu'ils doivent le faire longtemps. Là. Aussi. Fait qu'on y va comme entre les deux, peut-être un petit peu moins pour être safe. Mais attends, t'as-tu déjà travaillé en camp? T'as les passionnés, mais c'est pas la moitié qui reste. Là. C'est un poste de très haut roulement. Là. Ah ouais, OK. Donc 65 %. Ça donne combien, 65? Là, c'est une idée pourcentage. Moi, j'ai des chiffres. Ah. Je dirais quasiment... Sur 25 000, tu penses qu'il y a combien de nouveaux animateurs par année, la proportion? 13 000. 13 000. C'est moins que ça. Ah, en fait, par année, sur les 25 000, on a de 6 à 7 000 nouveaux animateurs. Juste ça? Mais c'est beaucoup. Parce que ça quand reste... Quand j'ai dit 65 %, ça avait du sens. Ouais, ça a du sens. Bon. En tout cas, Ben non, c'est le corps. C'est 25 %. 25 %. t'as fait comme l'inverse du calcul. Ok, ouais, c'est ça. Je t'ai dit, moi, les maths. Moi, c'est ça. C'est ta force inversée. C'est gênant un peu. Ouais. Non, mais c'est pas grave, il y a personne qui nous écoute à cette heure-là. Ça, si on soulignait le malaise, ce serait malaisant. Voilà. Mais comme on passe à autre chose comme instantanément. Comme on n'a pas fait ça. Mais là, tu l'as souligné, moi, je suis mal à l'aise. Donc, sur les 25 000, comme je disais, il y a de 6 à 7 000 nouveaux. Comme Mathieu le soulignait tantôt, il y a les passionnés, il y a les vrais qui restent, mais c'est pas une vocation pour tout le monde. Pour plusieurs, c'est surtout vu comme une première job, une première expérience. Ils restent un été où ils réalisent très vite qu'ils sont pas à leur place aussi. Que donc, le surnom leur va pas. C'est en plein milieu de l'été, il est comme moi, je m'en vais. On a fait un bilan, comme je vous ai dit, des 10 dernières années, donc qui porte de 2006 à 2015. Puis le bilan, il était assez mitigé. Parce qu'en fait, comme je disais tantôt, il y a, oui, des efforts qui ont été faits, des éléments qui ont été mis en place, mais une plus grande attente de la part de chacun des acteurs qui est concerné par le camp de jour. Premièrement, on a maintenant plus d'enfants allergiques à tout. Oh, on a plus d'enfants à gérer avec des cas qu'on peut appeler entre guillemets, les cas de difficultés psychosociales. Donc, toutes les troubles du comportement, tous les troubles d'attention, toute l'hyperactivité. Est-ce qu'il y en reste encore des gens qui n'ont pas un de ces troubles-là à quelque part? Toi? Dynamite? Moi. Mais je suis en affaires du groupe, fait que je dois y gérer pareil. On a aussi un intérêt avec les valeurs qui sont véhiculées dans la société d'accessibilité, d'inclusion. On veut intégrer les personnes handicapées dans nos programmes. Ben, en fait, on a une plus grande demande aussi. Plutôt qu'être à l'écart, c'est maintenant quasiment rendu une norme de pourquoi qu'il n'y a pas une place pour mon enfant à travers ton groupe régulier. Puis, voilà. Donc, on a remis beaucoup en question sur qu'est-ce qu'était un camp de jour municipal. Est-ce que c'est encore un programme de loisirs qui va animer vos enfants? Est-ce que c'est un programme d'éducation qui doit prendre la place un peu des parents ou de l'école? Ce que le parent se délaisse beaucoup de nos jours en se disant l'école s'en occupe parce que le parent est très, très, très occupé par son propre emploi. Est-ce que c'est devenu une garderie? Est-ce que c'est devenu une place? C'est ça. Est-ce que c'est devenu une place où est-ce qu'on fait juste occuper les enfants? Point. Entre 9 puis 5, jusqu'à temps que le parent arrive, puis on est là, pff, il est parti enfin. Donc, il y a vraiment eu une remise en question sur la mission première, puis la place qu'avait le camp de jour public dans les municipalités. Maintenant, concernant tout ce qui est les animateurs, qu'on a dit qu'ils n'étaient pas négligés, ils étaient quand même au nombre de 25 000, on s'est dit en 2006 que 36 % des moniteurs avaient moins de 18 ans. Wow. C'est énorme, parce qu'on commençait à travailler à 16 ans. Puis avec certains programmes d'aide animateur, c'est 14, c'est 15 ans. Dès que tu finis d'être le jeune, tu as le droit de tomber du côté des ados. Puis 40 % est âgé de 18-19 ans. Ça, là, c'est que tu as 75 % de tes 25 000 animateurs qui sont en bas de 19 ans. C'est quand même énorme quand tu penses que tu, en tant que parent, tu donnes la charge. Mets la charge, la responsabilité des groupes de plus en plus élevés. On est rendu à un animateur pour 15 jeunes. Fait que le jeune qui a même pas 19 ans, des fois qui n'est même pas en âge de boire, de voter, de conduire, se ramasse avec la charge de 15 personnes. S'il arrive de quoi, il est responsable. Donc, puis souvent, on voit ça comme une première job, une job facile, tout le monde peut le faire. On n'a pas une paye équivalente à toute l'énergie qui est demandée par rapport à ça. Et là, on se retrouve avec un jeune qui gère tes jeunes. Mais le parent, il est comme mitigé là-dedans. Il veut pas augmenter le salaire parce qu'il dit, ben voyons, c'est une petite job facile que tout le monde peut faire. Fait que c'est sauf que lui envoie le sien. Il envoie le sien là, mais il s'attend à la qualité d'un professionnel quand même. Fait que c'est drôle les attentes qui sont mises là. Avec le cadre de référence, parce qu'on s'est dit ça n'a pas de bon sens que 75 % du staff au Québec en animation soit âgé en bas de 19 ans, on a dit que maintenant, il y avait un maximum de 50 % qui devait être âgé de, tu sais, tu viens de finir ton secondaire 5 et tu as en bas de 18 ans. Donc, on veut s'assurer d'un staff qui est plus âgé, qui est plus majeur, qui a plus d'expérience pour être en contrôle de ces groupes-là qui sont, comme je disais tantôt, avec de plus en plus de jeunes avec des troubles. Fait qu'on a mis en place les formations. En 2006, les formations duraient moins de 15 heures pour un nouvel animateur, puis il y avait juste 37 % des jeunes qui le recevaient. Maintenant, on a, en 2015, 40 % des animateurs qui le reçoivent pour une formation qui est 33 heures de théorie, 35 heures de pratique. Okay. Quand même. Donc, on est quand même plus prêt, on est quand même plus en connaissance de cause de ce qui nous attend en termes de jeunes, en termes de comment animer, en termes de nos responsabilités civiles et tout. Oui. Donc, c'est moins un « il y a des jeunes dans un parc, reste là et surveille », mais plus un « t'as un groupe, comment tu peux non seulement les occuper, les animer, mais les faire aussi évoluer à travers ça. T'as des cas à gérer aussi que, entre l'école et les parents, c'est pas toujours rose. Donc, voilà. Donc, le DAFA, le programme de formation qui est présentement offert presque partout, est pas parfait, mais il nous permet d'avoir une base. Il est à améliorer, les termes de formation sont améliorés, mais ça, c'est en constante évolution. En constante évolution. Je pense qu'en conclusion, il faut quand même reconnaître que la qualité des camps, c'est une responsabilité de plusieurs acteurs dans la société. Il faut arrêter de tout mettre ça sur l'animateur. Il faut arrêter de se plaindre juste au directeur du camp. C'est vraiment l'ensemble des acteurs concernés. On parle aussi d'accessibilité qu'on veut améliorer. Puis d'investir dans tout ce qui est les équipements, la formation du personnel et autres, sont tous des éléments qui vont faire améliorer ce système de camp de jour-là qu'on peut pas négliger. On en a besoin au Québec dans notre réalité du 40 heures semaine, que les gens ont juste 2 semaines de vacances, mais que le jeune en a 8, en a 10, en a 12. Donc, voilà. Puis je voulais juste finir, comme j'ai mentionné tantôt, qu'être animateur de camp de jour, c'est pas juste une première job. C'est pas juste une job facile que tout le monde peut faire, mais c'est plus une vocation. Les jeunes qui vont comme animateurs réalisent rapidement qu'ils sont ou pas à leur place, ce qui va faire qu'ils vont revenir ou pas, ce qui va faire l'énergie qu'ils vont être capables de donner aux jeunes, ce qui va faire la magie aussi du parcours que le jeune va pouvoir faire pendant son été. Mais est-ce que, selon toi, la demande qui est demandée justement par rapport au camp de jour est trop élevée par rapport à ce que vous pouvez offrir? C'est pas qu'un trop élevé, c'est qu'on demande plus d'un côté, mais on n'outille pas de l'autre côté. Mm-hmm. Fait qu'un trop élevé en ce moment pour comment l'animateur est préparé, mais moi, je pense qu'il devrait avoir des conditions salariales plus élevées, d'avoir plus d'outils de préparation, mais qu'on devrait moins axer sur le « c'est une job facile qu'on donne à n'importe qui », comme d'autres jobs, faire des entrevues qui sélectionneraient mieux ce qu'on recherche d'un animateur, les qualités, les compétences et autres. Pas obligé d'être un professionnel, mais il y a des jeunes qui ont une tendance de profil qui correspond plus à l'animateur. Je pense qu'on minimise beaucoup le rôle d'animateur pour tout ce qu'il fait. Puis quand on se met à comprendre la réalité en tant que parent, là, on fait « Ah, oh, OK! » C'est de la job. Je pense qu'il y a à améliorer, mais ça peut pas être négligé, comme je disais, parce que les camps de jour disparaîtront pas demain matin, parce que sinon, on est vraiment dans le trouble. Je pense que t'as le profil de l'animatrice. Moi, je t'imagine à une soirée karaoké à Chasse-Galerie chanter « Si tu aimes le soleil, tape des mains ». Tellement. Personne ne le fait avant. C'est bon, à soir, le karaoké. Ben, tu vas chanter ça, hein? Tu vas être là? Je sais pas. Si tu chantes ça, c'est quoi tes autres chansons de camp, mettons, préférées? Je sais pas. Comment t'es connais, là? Là, t'as fait 33 heures de cours pour apprendre les chansons. Mais moi, j'aimais les chansons qui sont autour du feu. Là. Non, j'ai pas fait le 33 heures. T'as pas fait 33 heures. Pas dans mon temps. Non, non, tu connais ça, toi, par cœur. T'as appris sur le tas. Ouais, vraiment. Sur le tas de paille pour allumer un feu. Mais j'anime depuis toujours pour de vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai pas juste appris. Nous autres aussi, on connaît ça, les animateurs. Sauf que nos animateurs sont radio. Et voilà. Nos moniteurs sont vieux. Ils sont audio. Ils sont aussi vieux et désuets. Merci Marie-Laure Sonnet. Ça fait plaisir, donc on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est évidemment les mardis à 8h. Oui. Ça reste une case horaire sensiblement similaire à celle de l'année passée, ouais, mais aux deux semaines. Voilà. Ouais. Merci Marie-Laure. Merci à vous. Vous êtes toujours à Assemblage Requis et étant donné que Marie-Laurence, son nom dans un camp de jour dans le passé était Dynamite, voici une de mes pièces préférées, c'est Explose-moi de la bronze. Dynamite. Porte la couronne de ton royaume. J'aurais voulu être celle pour qui t'as inventé des mots. J'aurais voulu être celle à qui le cœur plein d'eau, tu dis je t'aime trop. I'm not afraid to die. demoiselle que tu te shootes dans les veines, qui te fait rougir quand elle te dit des choses, celle qui porte le nom que tu donnes à ton chat. J'aurais voulu être celle qui peut prendre ta main sans permission, celle avec qui, dans la pluie, tu es heureux. Est-ce que j'ai dit, Tania, comment j'adore cette chanson-là? Oui! Oui, il y a ça en rond, il y a deux secondes. Ça fait quelques fois qu'on l'entend à C'est fou 89.1 et je me demandais c'était quoi parce que je l'aime bien aussi. C'est bon. C'est la bronze avec Explose-moi. Au retour à Assemblage Requis, Gabriel Béo de la chronique Dans les coulisses de la Luitre. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis, en ce mardi matin 15 septembre, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Mm-hmm. Et maintenant, comme on va le faire toutes les semaines, les mardis à 8h30, ça va être le moment d'accueillir Gabriel Béoud et la chronique Dans les coulisses de la Luitre. Salut Mathieu Plante. C'est Gabriel Béoud. Salut, ça va? Gabriel Babibobu. Qui a amené du café et un muffin au chocolat ce matin, ça sent bon dans le studio. Oui. Il va en avoir plein la moustache. Oui. C'est Gabriel Béoud à moustache, comme toujours. Oui. Qu'on avait l'année passée en tant que chroniqueur de La Luitre et qui est de retour parmi nous. Yes. Pour ce début d'automne. Ben oui, les mardis matin. C'est ça, et on va parler de plein de choses. Du passé, du présent, presque, mettons, si on veut, et du futur plus ou moins éloigné. Exactement. Dans le fond, on tripe beaucoup trop sur la trilogie de Back to the Future. C'est ça. Que, moi, j'ai basé ma vie là-dessus. Tania est ta mère, en passant. Ah oui? Tu le sais pas encore. Donc, et voilà. Retournons dans le passé pour commencer. On va y aller avec la première chose à dire, c'est-à-dire le match d'ouverture qui avait lieu hier soir à 20h, Chasse Galerie gratuit. Oui, dans le fond, hier soir, il y a eu le premier match de la lutte qui met en scène les capitaines ainsi que plusieurs champions ex-joueurs de la lutte qui ont été invités par le maître de cérémonie, Maxime Tanguay. Donc, Maxime Tanguay, ce sera un arbitre régulier cette année. C'est un joueur qui joue à la Lime, qui a fait plusieurs années à la Luitre. Et puis, c'est ça, hier, il nous avait concocté une petite soirée sous le thème des Olympiades. Mais en, ouh, des thématiques, des compétitions, ouais, sportives d'improvisation. Oui, il y avait il y avait 5 épreuves où les 4 capitaines actuels de la Luitre, soit moi, Gabriel Béoud, Vincent Rainville pour les Bleus, Nadia Tranche-Montagne pour les Verts, ainsi que Alexandre Laramezouaki, désolé, le petit blanc au... Il est au orange. C'est ça, toi, t'es rouge. Oui. T'es rouge. Je suis rouge. Libéral forever. Exactement. oui. Moi et Justin. C'est drôle que quand même les 4 couleurs des capitaines sont exactement les 4 couleurs des partis politiques québécois. Exactement. C'est spécial quand même. C'est fascinant. C'est un hasard? On sait pas. Je ne crois pas. Ah, prochain thème d'improvisation. Oh! Donc, il y avait, tu disais, 5 catégories. Il y avait, entre autres, concentration. Oui. Où donc, il y avait des articles spéciaux donnés aux joueurs. Exactement. Donc, la catégorie concentration, ben ça faisait appel à notre concentration. Non. Donc, on avait plusieurs éléments pour distraire le joueur auquel on faisait face. Une flûte. Oui. Un rouge à lèvres. Oui. Un klaxon genre... Oui, une petite canisse de... De crème en corde, genre, tu sais, des strings. Ah, oui. De filaments. Coloré. Odorant. Exactement. Ah oui, odorant et probablement beaucoup trop toxique. Oui, oui. Ça a été vraiment un succès, cette épreuve-là. C'était vraiment cool. Une petite marionnette aussi. Il y avait une petite marionnette avec moi. Oui, oui, exactement. C'était bien drôle. Il y avait la compétition physique. Oui, physique, dans le fond, c'était du sans-parole. Donc, on n'avait pas le droit de parler ou de faire des langages inventés comme les Sims. Là. Ça, c'était interdit. On n'avait pas le droit de faire ça. Non. C'était non. Seulement, dans le fond, c'était du mime avec des sons. Des sons, des bruits de bouche. Exactement. Ça a été très bien réussi, ça aussi, parce que, ben, en fait, toute la soirée a été... On dira pas à chaque fois, ça. Non, exactement. Il y avait ton, compétition ton. Oui. La compétition ton, en fait, on avait plusieurs catégories. Donc, c'était à la manière de... Si jamais vous avez pas eu la chance de voir ça, c'est simple. Puis vous allez en revoir durant la saison régulière. C'est une spécialité de Maxime Tanguy, ça. Exactement. Donc, on nous présente un thème, comme pour chaque improvisation. Et puis ensuite, on nous rajoute une contrainte. Donc, ça pourrait être à la manière d'un film de Walt Disney. Mm-hmm. Ou hier soir, par exemple, on a vu à la manière de Wajdimouawad. Ouais. Wajdimouawad. Molière. Oui. On a eu droit aussi à du Michel Tremblay. Exact. On a eu droit à... voyons, je cherche le petit dernier. Ouais, je me... je m'en rappelle. Bref, des petits papiers avec des mots dessus. Il fallait que les gens connaissent déjà les thèmes, ce qui est difficile pour un improvisateur de connaître chacun de ces auteurs-là. Exactement, ça fait appel aussi à notre culture générale, qui, je pense, plus qu'on a une culture générale développée en improvisation, plus ça nous aide parce que ben on est prêt à faire appel à un peu tout. Ouais. C'était UNESCO, patente... Oui, de ça, UNESCO dans l'absurde. Voilà. Donc ça, c'était ton. Il y avait Punchline. Oui, Punchline, ça a été une des très le fun. En fait, les improvisateurs improvisaient sur un thème qui était commun et secret. Donc, les autres, non, je savais pas. Ils écrivaient sur une feuille que le public regardait. On n'avait pas le droit de dire le thème à personne. C'est en plein ça. On était vraiment là, dans le noir complet. Et puis, on nous présentait ça. Et puis, le but, c'était de faire une histoire et d'arriver avec un punch le plus près de 2 minutes possible. C'est ça. Cependant, les improvisateurs n'avaient pas de chrono. Non, et le temps est relatif pour chacun des improvisateurs. Ah oui, définitivement. Qui a fait un bon 4 minutes au lieu de 2 minutes, genre? 3 minutes 45, genre? C'est moi. C'est toi. Oui. Bon, je te jure, il était de dos aux animateurs et de dos à une bonne partie du public. Et littéralement, dans son dos, on faisait comme... Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plus de 2 minutes. 3 minutes 30. Je m'y mets au public, ça fait 3 minutes 30. Ouais. Ça n'arrêtait pas. C'était drôle à mort. Voilà, je pense que c'était bien. Cependant, j'ai pas réussi à... Non, hein, pas vraiment. À respecter la contrainte de temps. J'ai dit à l'autre, fais moins d'une demi-heure, je pense que ça va être correct. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il était dehors, il attendait. Je pense qu'il savait que ça faisait au moins 4 minutes. C'est ça, le but, c'était d'arriver le plus près du chrono, puis ainsi on gagnait. Mais ça, ça a été une des très fun, puis nous en... Très drôle. Il en manque une, c'est clair qu'il en manque une. Mais c'est pas grave, on l'a oublié. C'est pas la fin du monde, parce que les gens n'avaient qu'à être là. D'ailleurs, hier, on a eu une assistance record. C'est vrai. J'ai compté à 2 reprises. Une fois, j'ai compté 2500 personnes. C'est pas des blagues. Ben non. Et puis, à l'autre fois, ben d'après moi, il y en avait qui étaient partis aux toilettes. Mais je pense que si je fais un indice pondéré, donc on calcule là, toutes les fois que j'ai fait une moyenne, si après j'enlève la médiane, j'enlève le plus haut pourcentage, le plus petit pourcentage. Ouais. Puis vu qu'on était lundi, donc ben il y a eu environ 170 personnes. 170 000 personnes? Ben oui. 170, non, c'est parfait, 170. Ouais, ouais, c'était... C'est plus près, là. Ouais, en fait, la chasse était bondée à craquer, puis ça, c'est vraiment le fun. La porte de garage était ouverte, là, puis il y avait du monde qui sortait dehors. Ouais, c'était cool. C'est pas rien, c'est pas rien. Puis les gens, je tiens à remercier les gens qui faisaient partie du public qui nous écoutent. Merci d'avoir été discipliné, parce que c'était le fun, parce que on réussit à obtenir un silence relatif lors des improvisations, ce qui est très, très souhaitable. Tout à fait. Toujours la même fille qui rit trop fort, mais ça, on l'aime, t'sais. Ouais. J'espère qu'elle s'est visée ce matin. Ah, on la vise à l'animation à chaque semaine. Oui. Et elle s'assume là-dedans. Ah, oh, ouais, très assumée. Il y avait des joueurs invités aussi de la part de Maxime Tanguay. On va les dire rapidement. Il y avait Alex Drouin, Elodie Mongrain, Louis-Étienne Villeneuve. Ça n'était plus. Le Rémi Francœur était là. Michel Janson était là. Exactement. Je les ai tous nommés. Je les ai tous nommés. Jocelyn Garneau. André ça, c'était Tremblay. Les juges. Oui, les juges. Jocelyn Garneau. André Tremblay. André Tremblay. Et puis Antoine Lacasse, ancien capitaine de l'année dernière. Donc, les jeux jouent un rôle important parce que eux, ben, leur vote comptait pour un quart des votes, en fait. Il y avait le public et les 3 juges qui votaient. Donc, les champions qui étaient invités par Max Tanguy ont eu la chance d'affronter les capitaines de la Luître et vice-versa. Et puis, ça fut vraiment super le fun. Puis on a eu le droit à une finale assez pimentée, merci. Ben, ce qui était le fun, c'est que Nadia Tranche-Montagne... Qui a remporté l'épreuve. Là. À la fin, mais l'histoire, c'est qu'elle a joué dans la plupart des finales de chaque catégorie. Exactement. Elle était épuisée à la fin parce qu'elle a dû faire une bonne dizaine d'impro facilement. Ouais, back à back. Back à back. Ouais, back à back, sans aucun arrêt. Puis à chaque fois que le match, tu pensais que c'était terminé, c'était comme un jeu vidéo. Quand tu pensais que c'était terminé, oups, une feuille surprise. C'était juste un mini-boss. C'était juste un mini-boss. Il y avait plein d'autres boss, genre un affrontement 2-3 avec les champions. Mm. Ça n'arrêtait plus, là. Ah, oh, c'était cool. C'était parfait. Donc, elle adore encore un matin. Oui, probablement, si elle avait pas un cours. La chanceuse. Ouais. Bref, on a parlé quand même assez longtemps du match d'hier. Si vous n'étiez pas là, dommage pour vous. Si vous étiez là, vous savez déjà de quoi on parle. Fait qu'on va arrêter d'en parler. Oui, peut-être juste terminer avec le prix qui a été remporté. Parce que ce prix-là a une incidence très importante sur la suite. Les prochains matchs qui vont avoir exactement lieu. Exactement, vers où on s'en va, en fait. Oui, allons-y. Elle a un joker. Donc, durant la saison régulière, elle va pouvoir inviter un improvisateur qui ne fait pas partie de son équipe, qui est un joueur actuel ou ancien de la lutte. Et puis, elle va pouvoir faire des improvisations avec lui dans son lit. Pour essayer de remporter cette improvisation-là qui pourrait faire tomber le score en sa faveur. Exactement. Pour son équipe. C'est en plein ça. C'est donc extrême. C'est comme Pokémon. Elle peut l'utiliser juste une fois ou elle peut l'utiliser plusieurs fois? À une seule reprise. Une seule fois. Mais c'est avoue que d'avoir un match spécial qui comptait pas, comme celui d'hier soir, qui a des répercussions sur la saison entière, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vu. Non, c'est ça vraiment cool. Oui. C'est parfait. Donc, t'as très bien fait de nous rappeler l'arme secrète. Ça, c'était donc hier soir. La prochaine chose à savoir, c'est que les 21 et 22 septembre, donc lundi et mardi prochain, oui. Il n'y a pas de luître lundi, non. Mais il y a un camp de recrutement les deux jours. Exactement. Il n'y a pas de luître à la Chaise Galerie, mais il y a de la luître au Michel Sarrazin, à la salle Rodolphe Mathieu, en fait. C'est à 19h. Donc, le lundi et le mardi, c'est le camp de recrutement. Donc là, hier, vous êtes venus, vous êtes venus à la chasse, vous faisiez partie des 500 000 personnes qui nous écoutaient. Vous avez dit, j'aimerais ça, moi, pouvoir me produire sur cette scène devant des milliards de personnes. Wow. Donc, on arrondit en passant. Oui, c'est juste, en passant. C'est un petit nombre. Oui. Donc, c'est sûr, c'est pas les plaines, mais presque. C'est pas les plaines, mais ça va être plein de bonne humeur. Oui. Et ça va être plein. Ça va être plein à craquer dans une salle un peu qui ressemble à un théâtre. Exactement. Donc, les gens vont se produire sur la scène devant des animateurs. Sans bien sûr. Donc, le camp, exactement, t'as tout compris. Le camp, c'est vraiment une séance de sélection. C'est pas des mini-matchs. Certes, il va y en avoir, mais c'est plutôt sous forme d'ateliers. Donc, les ateliers, c'est simple. Ça va être des ateliers dans le même style qu'on a vu hier, mais beaucoup moins compétitifs. Donc, par exemple, on va demander aux gens de pratiquer, de rajouter une contrainte à leur improvisation. Donc, par exemple, votre personnage, ben, il va évoluer au 19e siècle, par exemple, ou au 12e siècle. Ça peut être une des contraintes qui pourrait être mise au camp. Donc là, ben, par exemple, vous allez affronter des joueurs que vous ne connaissez pas dans le but de vous faire recruter par un des quatre capitaines qui a joué hier. C'est simple, en fait, n'hésitez surtout pas à venir parce que c'est sous forme d'atelier, comme je l'expliquais. Il n'y a pas de pression là. Et ce qui est surtout le fun, c'est qu'on sort d'un camp généralement assez grandi sous cette forme-là. C'est pas, en fait, super compétitif, c'est plutôt formateur. T'apprends quelque chose. Exactement. Et puis là, au terme de ces deux soirées-là, les capitaines, vous allez... vous êtes fait valoir, donc les capitaines vous observent, ils vous trouvent bien drôle, bien comique, bien dramatique, etc. Et puis ils disent, aïe, je le veux dans mon équipe. Donc là, les quatre capitaines vont former leurs équipes. Pourquoi ils forment leurs équipes? C'est simple, c'est pour la saison entière. Oh oui! Oh! Donc, je vous invite vraiment à venir à un des deux soirs ou les deux soirs, ça, c'est préférable. C'est mieux pour se faire voir parce que vous allez être jugé par les... Exactement, on va voir deux fois plus. Il y en a qui ont des cours les mardis. Ceux qui ont des cours le lundi et qui ne peuvent pas venir, ben, c'est parce que vous ne pourrez pas venir au match non plus. Fait que présentez-vous pas, ça sert à rien. Ben, faut être libre le lundi. Oui, mais il y a un poste dans chaque équipe qui est assez intéressant. Exactement, le substitut. Le substitut, c'est simple. Il est là pour remplacer si, par exemple, je me casse une jambe. Je peux pas être là au match. Aïe. On a besoin d'un substitut. Donc, le substitut vient et remplace la personne qui ne peut pas être là au match. Il remplace la viande. C'est ça. La viande et substitut. Exactement. Donc, si vous sentez comme une cacahuète, c'est génial parce que vous allez pouvoir être là à l'hiver. Si vous ne pouvez pas être là à l'automne, n'hésitez pas à venir au camp. Au pire, on vous a revu cette année, puis ben, ça vous donne de l'avance pour le camp de l'année prochaine. Parce que si vous avez trouvé ça formateur, vous sortez du camp, vous dites, je sors de cette expérience grandie. Eh bien, Ben, vous avez plus de chances d'être pris l'année prochaine. Toi, c'est ce qui t'est arrivé l'année passée. T'as fait le camp et t'as impressionné tout le monde. T'as été choisi dans une équipe et t'as pas été stressé bien longtemps parce que t'as la réponse le soir même. Exactement. Le deuxième soir. Oui, en fait, le deuxième soir, les capitaines font leurs équipes et puis vous êtes conviés à un endroit secret. Chut. Dis-le pas. Genre le silo à missiles de Trois-Rivières. L'endroit le plus secret sur la planète. Le studio, c'est fou, genre. Ouais, c'est ça. Personne là où personne sait c'est où, ce studio? Mais en fait, c'est ça, on va vous convier à une belle soirée où vous allez découvrir vos équipes. Et puis, n'hésitez pas à venir parce qu'il y a beaucoup de places disponibles sur les équipes. Puis, c'est pas une ligue dans laquelle on recrute que nos potes ou nos anciens joueurs. Non, non, non. Pas du tout. C'est pas vraiment un cercle secret du tout. Non, exactement. C'est vraiment ouvert à tous et ouais. toutes. Ça, c'est donc les 21 et 22, lundi et mardi, à 19h, pas 20h. Faites attention, non, c'est pas ça. À l'heure normale un match. Exactement. C'est au pavillon Michel Sarrazin. Oui, ça, à la salle Rodolphe Mathieu. C'est près des résidences. Ouais, c'est ça. Le pavillon qui est à l'autre bout de la planète. Oui, oui, faut partir à l'avance, sinon on arrive en retard. Exactement, temps, donc prévoyez partir vers... Mettons, si vous avez la chance de partir dimanche vers midi. Ouais. Vous devriez être là lundi vers 19h. Un petit café chez Benny, là, avec une petite poutine. Là. Exactement. Ouais, ça? Ouais. Ouais. C'est parfait, ça. À Berthierville, maintenant, t'arrêtes à Berthierville. OK, donc ça, c'est pour le 21 et 22. Après ça, ça va au 28. Évidemment, on va se revoir d'ici là. On va, oui. On n'ira pas trop loin dans les détails, mais le 28, c'est un match showcase avec les capitaines qui s'affrontent en mini-match. C'est quoi, ça, un match showcase? Un match showcase? Showcase, la chaîne de TV, là. Oui. Il passe l'émission avec les clones. Oui. C'est un match qu'on montre ça à la TV. Le combat des clones. C'est ça. Oui, mais en fait, le match showcase... Si je me rappelle bien, parce que là, Mathieu, à la lumière de tes explications... T'as des doutes, hein? Moi aussi. en fait, le match showcase, genre, ce sera la première chance pour le public de voir les quatre équipes qui auront été formées au camp de recrutement la semaine d'avant. Donc, le 28, ça va être à la chasse-galerie à 20h. Et par la suite, ça va toujours être le lundi à 20h à la chasse-galerie. Les quatre équipes vont faire des demi-matchs. Donc, on aura la chance de voir les quatre équipes s'affronter. Ça va être génial parce que, ben, en fait, ça va être une belle soirée d'improvisation avec beaucoup plus de joueurs qu'hier. Même les subs jouent. Oui, oui, oui, toute l'équipe. Ouais. Donc, c'est vraiment une soirée super le fun et vous allez pouvoir voir tous les joueurs qui vont jouer devant vous à la chasse-galerie jusqu'à l'hiver. Oui, c'est ça, parce qu'à l'hiver, des fois, il y a des changements. Il y a des gens qui s'en vont en stage, des trucs comme ça, puis là, ils se prennent des places. Puis, tu sais, ça change un petit peu de place des fois, mais. Ouais, mais gros, pas tellement. Exact, ouais, c'est ça. La saison régulière, elle se termine vraiment à la fin de la session d'hiver. Et Maxime Tanguay qui va être l'arbitre de ce match-là, j'imagine aussi. Je sais pas, je pense qu'il me semble qu'il est-ce qu'il va être à temps plein. J'ai pas parlé. Non, parce que cette année, on a trois arbitres. Arrête-moi dans ça, ben oui, Elodie Mongrain, Maxime Tanguay, puis Antoine Lacasse. Tous d'anciens excellents joueurs de la lutte qui vont venir arbitrer. Donc, les joueurs devront être à l'affût parce que les arbitres vont l'être. Est-ce qu'Antoine Lacasse va être aussi présent en tant qu'arbitre que Jocelyn Garneau l'année passée qui a fait un grand total de zéro match en tant qu'arbitre? Ah, ça, je peux pas dire parce que. Un grand total. Il a joué dans le match capitaine contre arbitre. C'est un match spécial. C'est le seul match qu'il a fait de l'année. Ouais, mais... C'est bien. C'est lui qui a rien. Hein? Ouais, c'est... On va se le dire. C'est très bien. Ben oui, c'est une présence. Ben c'est ça. Il est fin pareil. L'important, c'est d'être présent. C'est ça. Hier, il y avait de l'attitude avec ses lunettes de soleil en tant que juge. Ah oui, ils n'ont pas parlé du tout du début à la fin puis faisaient des dessins sur leur tableau. C'était des chefs. Des jeux de mots et des dessins. C'est génial. Bref, donc, on rappelle, hier, c'est passé. Oui. 21-22, camp de recrutement. Exactement. 28 matchs showcase. Oui. Semaine prochaine, lundi, mardi, pardon, à 8h et 9h. Oui, 9h. On aura la chance de discuter de la première soirée du camp de recrutement. C'est ça. Et puis, évidemment, ben, du match showcase la semaine suivante, donc le 28. Plus en détail et tout ça. 2015. De l'année du Seigneur 2015. Oui. Année de lumière. Et tu t'appelles Gabriel Béhoud? Oui. Et la semaine prochaine, est-ce qu'on va revoir ton collègue, ton acolyte Gabriel Boutentrain-Houd? Ah, mais ça pourrait être plaisant, c'est une bonne idée. J'aimerais ça, il me manque, là. Oui. C'est lui qui parle super profond dans sa gorge, puis dit la lutte. Tu l'as jamais rencontré, Tania? C'est tout qu'un personnage. Imite-le. Est-ce que tu peux l'imiter? Je sais pas si t'es capable de faire l'imitation de Gabriel Boutentrain-Houd. Non. Non? Moi, je suis capable, je vois. Oh non. La lutte, la ligue universitaire. D'improvisation de trois résultats. C'est à peu près ça. À peu près ça. Ouais, d'habitude, c'est ça, mais beaucoup trop longuement. J'ai essayé de le faire, mais... Le moins d'entrain possible, vous allez voir, c'est un personnage qui est somptueux. Il est mythique, je te dirais. Ah ouais? Mythique, rare. Si c'est une carte Magic, il vaudrait cher. Quelle couleur serait-il? Ah, je sais pas, je connais pas assez ça. Vert et rouge. Vert et rouge. Oui, monsieur. Oh! Aïe, aïe, aïe! Exactement. Aïe, aïe! Gabriel Béhoud, merci. Hey, ça fait plaisir. À la semaine prochaine, mardi à 9h, pas 8h30. Yes. 9h. Ben oui. Le plus tard possible. Exactement. On fait l'émission pour finir comme faut. Ben oui. Ben oui. Il faut. En force. Bye. Donc, je vous remercie et à la semaine prochaine. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Ah, OK. Toujours assemblage requis. Là, ce que j'ai envie d'aller te faire entendre, Tania. Oui. C'est une pièce de Danko Jones. Ben allons-y, allons-o. Parce que j'aimerais ça, moi, voir un joueur d'improvisation faire semblant de glisser sur une banane. Comme ça, je pourrais dire « Watch you slide ». Tu comprends, Jean? Je comprends. Danko Jones sur « C'est fou » dans vos oreilles. C'est fou comme dans Colin Follery. Danko Jones et Watch You Slide, stable en 7e place dans le palmarès du 25 août au 13 septembre. Un palmarès qui se termine bientôt, là, très très bientôt. Il va y en avoir un autre qui s'en vient dans le courant de la semaine. Avant tout à l'heure. Précédemment à Assemblage Requis. Et voilà. On était en plein bloc pub et retournons-y, c'est la chronique publicité, mais moi j'aime tellement l'intro et on la joue tellement pas souvent que revoici le bloc pub. Venez au bon marché! Oui, papa! Tout le monde Je préfère. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. C'est le bloc pub. Dans laquelle on parle de marketing, d'idées de pub, de choses qui vont vendre des affaires. On parle pas de publicité virale, c'est pas vlog. Là, quand même. Non, on parle fort du sens de marketing, d'idées de marketing. Voilà, ça s'appelle le bloc pub parce que c'est un petit nom cute par rapport au bloc pub qu'on joue, assez fou. C'est comme ça qu'on appelle ça. Hey, juge pas mes pubs. Non, c'est avec respect, tout le respect du monde. Commençons avec Natrel et Java You qui s'associent pour créer le bar à lait. Oui, c'est j'ai vu ça. C'est une buveuse de lait. Je suis allergique au lactose. Moi alors. Top là! Si ils se permettent d'avoir une catégorie sans lactose, yes. J'irai. C'est ça. Ben, Natrel, il y en a. C'est Natrel que j'achète. Il y en a. Je me rappelle pas. C'est Natrel. C'est eux qui le font orange, leur. Oui. C'est eux autres. Il est dans mon frigo. Ben, c'est celui que j'achète aussi, alors, parce que pour vrai, je me rappelais pas de la marque. Je les achète parce qu'ils font des beaux emballages, Natrel. Donc, le concept, je suis superficiel comme ça. Le concept vise à revaloriser le lait servi avec les cafés. Javayou et Natrel souhaitent faire vivre une expérience unique aux amateurs de café et à leur permettre de personnaliser leur boisson. Pour ce faire, un bar à lait sera installé, a été installé dans 21 succursales Javayou de Montréal. Montréal, Quebec, you know, in Canada. C'est en Amérique du Nord. Où les clients pourront choisir entre 7 sortes de lait Natrel. Le menu mettra également de l'avant les produits laitiers selon les saisons. Hein. Tu savais pas ça qu'il y avait des laits selon les saisons? Ben non, aucunement. Tu savais ça, toi? Non. un café de Javayou conçu selon le concept montréalais. C'est un jeu de mots avec Montréal puis le lait. Hein? C'est parfait. Ouvre sur la rue de Notre-Dame-Ouest, pas à Trois-Rivières. Il y a aussi une rue de Notre-Dame-Ouest. Son aspect visuel et architectural a été confié à LG2 Boutique, qui devait rendre au lieu l'originalité du concept. On peut voir les photos sur assemblagerequis.com, mais je cite ici « Les éléments du mobilier et d'aménagement unissent les symboles que nous rattachons au lait et les éléments de la marque Natrel tout en s'intégrant de façon harmonieuse aux espaces Javayou », explique l'architecte Hélène Fortin. En plus d'y consommer des cafés, les clients pourront y fréquenter une mini-boutique proposant une collection de vêtements et d'accessoires conçus par des artistes montréalais. Parmi eux, on retrouve notamment des t-shirts en coton biologique avec fibre de lait. Ça existe? Ben oui. Ah. J'avoue que je sais pas s'il est sans lactose. Là, que... Ah, tu vois, on pourrait pas s'en acheter. C'est ça, t'aurais des plaques partout sur le cœur. LG2 est responsable du site web et de la campagne promotionnelle. Vous pouvez aller voir tout ça sur assemblagerequis.com. Si on décrit l'environnement, look, là, on dirait qu'il y a comme au-dessus de chaque booth, chaque banquette. Oui. T'as un petit, on dirait un berlingot de lait en triangle. Oui, c'est vraiment fait comme ça. Il y a même le bouchon. Est-ce que tu vois sur la photo? Ah, j'avais pas vu le bouchon. C'est normal d'être. Tu sais, au-dessus du bar à lait, il y a le bouchon. Et wow! C'est comme si tu t'assoyais dans la boîte à lait. Je sais pas s'il y a aussi un bar à lait, comme pour allaiter. Puis là, tu sais, c'est du lait qui sort, mais à la place de rentrer. Je suis pas certaine qui ont fait ça, non. Ça a été une bonne opportunité. Des chauffeurs privés pour aller chez IKEA. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter pour aller magasiner des meubles? Oui, définitif! IKEA vient de lancer à Paris IKEA Chauffeur, son service de chauffeur privé. C'est vraiment écrit comme ça, là. C'est pas Mathieu qui décide de faire des bruits bizarres ce matin. C'est vraiment écrit comme ça. Ça aurait pu C-H-A-U-F-F-O avec des trémas R. Chauffeur. T'as pas pensé à Tania avec des trémas sur les Y? Faudrait dire ça à mes parents, mais je suis pas certaine que ça leur tentait. Fruit d'un partenariat avec Snapcar, l'initiative permet aux clients de bénéficier d'une course entre Paris et les succursales IKEA à proximité pour faciliter l'accès aux points de vente. Je cite, ce nouveau service traduit concrètement notre volonté de rendre nos magasins plus facilement accessibles pour nos clients et de diversifier les façons d'y accéder puis d'en repartir avec ses achats. IKEA Chauffeur est accessible depuis le site d'IKEA ou par l'application Snapcar. Moyennant un montant minimum de 49 euros pour aller et retour, les utilisateurs peuvent y recourir depuis 3 points de rendez-vous parisiens ou directement à leur domicile en course partagée ou personnalisée. Pour chaque course effectuée, les clients se verront remettre un ensemble de bienvenue à l'accueil du magasin. IKEA Chauffeur. Commandez facilement un chauffeur pour vous rendre chez IKEA en Île-de-France. C'était lancé le 25 juin. On fait les réservations sur Internet à partir de, comme je disais, 50 euros environ. 3 magasins desservis, 2 options de départ, suivi de la course. Et plus d'informations sur ikea.fr/service au pluriel. Voilà. Mais c'est parfait. On devrait faire ça aussi à Montréal. Tu sais, il y en a plusieurs. Il y en a un à Boucherville. Il y en a un à Montréal proche de... Ouais, ouais. À côté du... Près de l'aéroport de Montréal, quoi. C'est une très bonne idée. On devrait peut-être y penser. IKEA Chauffeur. IKEA Chauffeur. Faire une ligne de métro juste pour le IKEA. Hey, J'en ai allumé une coupe à Montréal, je le sens. Ah ouais. Maintenant, Wix et Cossette invitent les jeunes à bouger. Un agent créatif liant, qu'on appelle Monsieur Wix, a été créé. Wix, c'est le mouvement lancé par Québec en forme qui invite les jeunes à bouger. C'est doté d'une stratégie axée sur la surprise afin de maximiser l'impact et de poursuivre les efforts d'adhésion à son état d'esprit. Élaboré par Cossette. Émotion, contenu, créativité et flexibilité sont tous des ingrédients de cette stratégie visant essentiellement à transmettre aux jeunes le plaisir de bouger et l'importance de le faire tous les jours. Je cite, après 3 ans d'activité, nous cherchions à capter plus que jamais l'attention des jeunes, à les rejoindre dans leur quotidien pour maximiser leur engagement et assurer une synergie entre les différentes actions de communication grâce à un agent créatif liant. On s'entend que tout ça, chaque mot utilisé, est du gros marketing bullshit. Bullshit. Agent créatif liant, synergie entre les différentes actions, maximiser le quotidien. On s'entend que c'est tout du charabia. On aurait dû vulgariser les choses, c'est... comme l'aurait si bien fait Marie-Laurence un petit peu plus tôt. Mais c'est comme ça qu'est né le personnage de Monsieur Wicks, incarnation des valeurs de la marque. Ce personnage est une façon pertinente et ludique de soutenir la magie spontanée et de la placer dans une communication 360, encore une fois, du gros marketing speak. En plus d'être disruptif et communicatif, encore une fois, Monsieur Wicks a comme mission d'inviter à l'action et au plaisir via les médias sociaux, hashtag les Wicks, W-I-X-X. La campagne s'adresse aux parents et aux adultes qui côtoient les pré-ados. Donc, on va essayer de regarder une publicité si on est capable de survivre à autant de marketing speech. Truc Wix pour faire courir tes amis. Là, il y a un téléphone de TP à une main d'une espèce de personnage rouge sur un frisbee. Et là, le frisbee est lancé. Les enfants essaient d'attraper le téléphone cellulaire TP au frisbee. Ben là, tu cours. Hein? Et donc, les enfants doivent courir après le téléphone cellulaire dans la pub. C'est comme ça que tu invites les jeunes à bouger parce que t'as pas le choix de leur mettre un téléphone cellulaire d'en face si tu veux qu'ils bougent. Tu comprends? C'est comme un petit peu comme ironique de dire, tiens, que les jeunes on bougent seulement. On dirait presque une mauvaise pub. On dirait presque que ça rit des gens. Ouais. Donc, on voit une madame habillée en vêtements pastel faire des levées de poids. C'est pas une madame, c'est un garçon, en pense. Ouais, c'est un garçon. Un petit garçon. Et là, il sue beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de son front. Moi, ça finit de même. Il n'y a pas de punch. C'est un peu moyen. Hein? C'est... Ouais. Moi, je pense que ça tombe à plat. On dirait que je sais pas comment... C'est peut-être pas la meilleure... Peut-être que c'est parce qu'on n'est pas assez jeune. Peut-être qu'il faut avoir genre 12 ans et moins pour les mains, tu sais. Ben, tu vois, peut-être que les pubs jouent à vrac.tv. Hey, c'est parce qu'on s'entend que les émissions qui jouent à vrac de ces temps-ci, c'est aussi de la grosse... c'est pas du tout évolué, là. Ouais. En général, je trouve que la qualité des émissions pour enfants depuis les dernières années a vraiment chuté. Maintenant. À vrac. Surtout en français. Puis en plus, le bonhomme, il fait peur. C'est un bonhomme genre, on dirait un ballon... On dirait un foie. Gonflé. On dirait un foie, t'as raison. Ensuite, on va continuer avec peut-être... tiens, je vais y aller avec celui-là. Une promo de LG2 pour Valentine, seulement chez Snapchat. Oui. Tu aimes Snapchat et tu es en train de te selfier sur le Snapchat de ton splash face, ton underground. Ça, c'est ce que Mathieu croit. Ben, parce que je te vois faire littéralement chaque jour de ta vie, au moins deux fois par jour. Faux. J'invente rien. Est-ce que tu m'as vu aujourd'hui? Aujourd'hui, pas encore. Et voilà. C'est parce que t'es arrivé pas mal plus tôt que moi. pour célébrer la fête nationale du Québec, tu te rappelles de ça, le Québec a une fête nationale apparemment, oui. Parce qu'apparemment que national, ça veut dire provincial. Déploie sur Snapchat une promo de deux jours pensée par l'agence LG2. À l'occasion de la fête nationale du Québec, les restaurants Valentine menaient une promotion de deux jours conçue par LG2 autour de l'application Snapchat. Donc l'agence et la marque ont gagné ensemble le grand prix du concours Créa 2014 pour l'application mobile Marche ta poutine. Tu te rappelles l'application où tu pouvais marcher et brûler des calories, qui faisait que tu avais la chance d'avoir une poutine gratuite. Quelque chose comme ça. Non, j'ai jamais entendu parler de cette pub. C'était mieux pour nous. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, afin d'obtenir un coupon réduction, les consommateurs intéressés devaient envoyer à Valentine, sur @RestoValentine, une photo Snapchat 2 avec une fleur de lys. Ah! Le coupon en question leur était ensuite remis, transmis, ce qui leur donnait droit à deux hot dogs gratuits à l'achat d'une poutine. Ouais, mais un Snapchat, là, ça disparaît. Fait qu'eux, ils t'envoyaient le coupon. Ouais. Sauf que si t'es chez vous, là, pis là, tu veux aller au Valentine, sauf que t'ouvres le coupon. Tu fais quoi, rentre chez Valentine? J'avoue. T'as raison. Mais... En plus d'être dévoilé sur Facebook, l'initiative a été annoncée en primeur aux abonnés de l'application Marche ta poutine. Pour ceux qui avaient déjà le marketing de Valentine dans leur poche en tout temps, il y avait une notification push pour leur dire. Parlons de McDonald's maintenant, qui est en train de développer un emballage destiné aux cyclistes. Ça aurait aussi bien pu être dans une grosse pointe all dress, cette nouvelle-là, mais comme on c'est du marketing, des fois, c'est qu'est-ce qui va dans quelle chronique, on s'en fout un peu. McDonald's, donc, ça a été conçu par l'agence Tribal Buenos Aires. Le prototype a été testé en premier lieu à Copenhague, au Danemark, et puis à Medellin, en Colombie. C'est constitué d'un carton recyclé, ce qui permet de transporter facilement un trio en l'attachant sur son guidon grâce à une anse. C'est un peu comme les messages qu'on met sur une poignée de porte. Ouais, hein, ça ressemble vraiment à ça. Si la phase de test est concluante, l'initiative devrait être appliquée rapidement à Tokyo et à Amsterdam, où les cyclistes sont très nombreux. Par contre, je me demande vraiment si ça tient bien le gobelet. Ouais, j'avoue, hein, parce que là, il y a comme un... ça ressemble un petit peu à un joyeux festin. Ouais. Et tu insères la boisson gazeuse en premier, j'imagine, en premier. J'imagine, parce que ça a l'air à être rabattable en carton. Et il y a comme un cercle en dessous et ton verre entre à mi-chemin. Le cercle est comme juste assez grand et assez petit pour tenir ton verre, le soutenir. Je sais pas, mais ça a l'air d'être du carton assez solide quand même. Ça s'appelle quand le même. McBike. McBike. On devrait l'essayer un jour. Un bon vélo free, un bon McBike, ça... Miam. Tu connais, t'as déjà eu une page d'erreur sur Google Chrome, le furteur de Google Chrome? Ben oui. Le petit dinosaure qui apparaît quand t'as une page d'erreur, tu te rappelles, le petit dinosaure genre 8 bits? Le T-Rex de Google Chrome joue dans Jurassic World. C'est une, c'est du marketing, ça aussi. Des étudiants de l'institution Miami Ad School ont imaginé un détournement de Google Chrome pour promouvoir le film Jurassic World. C'est donc pas officiel, on s'entend là-dessus. L'idée consistait à employer la page apparaissant sur le navigateur et ça mettait en vedette un tyrannosaure lorsque les utilisateurs ne parvenaient pas à se connecter sur Internet. Sonika Baptiste et Himani Shachar, deux étudiants de Bombay, ont détourné le jeu consistant habituellement à éviter des cactus pour le faire prendre place dans l'univers de Jurassic World. C'est un jeu qui apparaît dans Google Chrome habituellement. Donc, une petite vidéo. Ça dit donc que le 12 juin 2015, après 22 ans, arrive une suite très anticipée. Jurassic World. Chaque année, des millions de dollars sont dépensés sur des promotions pour le cinéma. C'est le moment d'amener ça au prochain niveau en faisant quelque chose que personne d'autre, aucun autre film a fait de sa vie, dans la vie en général. Donc pour la première fois, voici Jurassic World Offline. Une semaine avant la première du film, donc, nous dit cette vidéo, Google Chrome lançait une mise à jour automatique. Donc, la prochaine fois qu'on était capable de se connecter à Internet, on dirait que c'est quasiment officiel, je pense que c'est le livre. Je pense aussi. On pouvait donc jouer au jeu T-Rex de Jurassic World, inspiré par Jurassic World, avec une voiture qui passe devant toi et le petit dinosaure court. Il y a même des oiseaux qui apparaissent en haut. Et t'as un high score qui apparaît. Et à la fin, t'as une publicité qui dit Jurassic World en cinéma. Donc, ils ont changé le jeu pour un autre. Mais l'article donnait pas l'impression que c'était officiel. L'article donnait l'impression que ce n'était pas officiel. Ouais. Mais là, il y a comme plein d'articles à la fin du vidéo qui disent que ce sont des petits génies parce qu'ils ont recréé l'effet qu'il y avait dans le premier quand que le système informatique plante. Ah, je comprends. Ben, c'est bien fait. C'est cool. Il y a des étudiants qui sont vraiment dévoués à leur cause. Hein? C'est pas mal mieux que moi, ça. C'est pour ça que je ne vais pas à l'université. Et voilà. Et tant qu'à parler de furteur Internet, on termine avec un dernier. C'est Valé Duhamel qui signe « Welcome to Firefox », une vidéo promotionnelle pour le navigateur Firefox au Québec. La vidéo a pour sujet une communauté de personnes collaborant pour concevoir une expérience de navigation davantage personnalisée. Elle va être diffusée à plus de 290 millions d'utilisateurs Firefox. C'est déjà commencé. Donc, on voit une feuille de papier, quelqu'un qui trace un trait de bleu pastel. The world was built by hand. Le monde a été construit à la main. Là, on voit des formes qui s'assemblent brique par brique dans une forme de casse-tête, page par page, line by line. Ligne par ligne. On voit des symboles d'HTML. Malgré le progrès technologique, il n'y a rien de plus puissant que la main humaine. Traverse les frontières, qui défie les conventions, qui déclare l'indépendance. Et là, il y a un drapeau orange. Ne sous-estimez jamais chaque clic, chaque crissement, chaque coup de doigt. Parce que les choses que vous aimez faire en ligne importent, sont importantes. Et quand tu utilises Firefox, on a le pouvoir d'avoir un curseur personnel. Chaque recherche, chaque historique, chaque onglet, chaque conversation, chaque tout. C'est plus qu'un meilleur furteur, c'est un furteur qui vient du cœur. Des milliers de gens ont levé leurs mains pour fabriquer un meilleur web, quelque chose comme ça. Bienvenue à Firefox. Et tout ça, là, évidemment, c'est difficile de traduire et de décrire le visuel en même temps. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. M'aider avec le visuel, qu'est-ce qu'on a vu, plein de choses être montées à la main, en carton, genre. Mais c'est ça, c'est surtout... peu importe ce que tu disais, ce qui était relié... Non, mais peu importe ce qui était relié aux paroles que Mathieu a données, on pouvait le voir. Donc, voilà. En fait, tout se passait avec la main parce que chaque clic, chaque bout de doigt, chaque page, comme tu dis, tout ça était fait avec une main, tout simplement. Et bien, je trouve la publicité quand même très belle. C'est joli et c'est fait au Québec, Valé Duhamel qui a fait ça. Voilà. On est bon là-dessus, hein, les Québécois, sur tout ce qui est être informatique et effets spéciaux, disons ça comme ça. Tout à fait. Voilà pour le bloc pub. Juste à temps pour la prochaine pause. Et au retour, ce sera la chronique de Tania Baudin. Assemblage requis sur C'est fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 15 septembre avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, que oui, que oui, que oui. C'est la dernière vingtaine de minutes environ à l'émission et ça donne juste assez de temps, ça, j'imagine, pour la chronique de Tania Baudin. Ben oui, je peux vous parler pendant 20 minutes. 20 minutes, plus ou moins, si tu vas avec ce que tu veux. Plus ou moins. Moi, tout ce que j'ai à faire dans cette chronique-là, c'est chanter la chanson d'ouverture. La commencer correctement, c'est ce qu'il faut faire. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. La la la la la la la la la la. Tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. And she's gonna entertain ya. Hein, cette version longue, t'as-tu? Hey, c'est parfait, ça. Merci, longue. Mathieu, pour cette belle introduction. Ça fait tellement plaisir. Tu peux pas savoir comment ça fait plaisir. Ça, puis traduire en direct par-dessus des publicités. Hey, là. Ça se voit dans tes yeux. T'as comme la petite flamèche, là, la petite étincelle. J'ai besoin de ça dans ma vie, moi. Bon, donc, Tania Baudin, je te laisse la place. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Eh bien, en fait, la météo me prend de court un peu aujourd'hui parce qu'il fait quand même très chaud. Mais on peut-tu se le dire, on est quand même rendu en automne. Oui. On est le 15 septembre. Mouille tout le temps. 2015. Il mouille beaucoup ces derniers jours. Mais là, cette semaine, apparemment, il va faire chaud, il va faire beau. Attends. Fait que ça vient un peu contrarier ma chronique. Mais je voulais vous parler de ce qu'on aime faire en automne, en fait. Moi, personnellement, et certaines de mes amies, et probablement toi aussi, Mathieu, parce qu'après notre émission, à chaque jour, on va chercher un bon... Un café! Et voilà! Alors, je voulais vous parler des petits palmarès, des cafés et des salons de thé au travers du Québec, qui fait bon visiter, en fait, que c'est toujours bon d'aller, de découvrir de nouvelles places. Et là, une des choses qui m'a le plus frappée, je dois le dire, c'est un article qui vient quand même du site de Canal Vie. Oh mon Dieu! ne me lapidez pas tout de suite. mais une des choses qui m'a frappée, c'est que on parle de Montréal, on parle de Québec, on parle de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, ailleurs dans la belle province québécoise. Et il n'y a même pas Trois-Rivières. Ah non! Ouais. Outrage. Alors, je me suis dit que j'allais donner ma touche trifluvienne à l'article. Donc, à la fin, je vais vous présenter mes petits coups de cœur pour les cafés trifluviens. Alors, on va commencer tout simplement par, évidemment, la grande ville, notre métropole, Montréal. Montréal. Et qui dit Montréal dit, évidemment, diversité culturelle assez à son maximum. Mm-hmm. Et c'est ce qui est très le fun. J'ai vécu de 3 à 4 ans à Montréal. C'est ça qui est le fun quand t'es à Montréal, que ce soit pour un léger week-end, que ce soit pour une journée. C'est de voir la diversité et c'est de visiter certaines places qui sont différentes pour voir justement à quel point ça peut être différent, mais donc agréable. Alors, le premier café dont je vous parle, c'est le Café Centropole. C'est sur la rue Saint-Urbain. Je ne vais pas vous donner l'adresse exacte là, parce que de toute façon, vous pouvez retrouver l'article sur Assemblage Requis après l'émission. Mais c'est quand même, la rue Saint-Urbain, c'est une rue qui est très convoitée à Montréal. C'est une très belle rue architecturale que l'on pourrait décrire. Alors, le Café Centropole, ça fait déjà 30 ans qu'il est en place. C'est un petit café de quartier perdu entre les immeubles architecturaux de la rue Saint-Urbain, comme je vous disais. En Saint-Urbain, plus, en passant en anglais, pour ceux qui sont à Montréal, c'est... Saint-Urbain. Non, c'est Saint-Belt-Bath. Belt-Bath. Ceinture-Bain. Ah. Belt-Bath. Il a vraiment fait cette joke-là. Oui, et il en est fier. C'est terrible. OK. Mais en plus d'être un café de qualité exceptionnelle, donc là, déjà en partant, moi, j'ai jamais visité le café, mais juste de me faire dire que le café est de qualité exceptionnelle, moi, ça me donne ça le goût d'y pas. Aller. Ça s'invente c'est pas, ça. Les affaires de même. Donc, on peut y déguster une quinzaine de sortes de thé. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le café ou certains qui essaient, comme certaines de mes amies, de diminuer le café, mais d'augmenter un petit peu la proportion du thé dans leur vie. Alors, on peut y déguster une quinzaine de thés, de délicieux gâteaux et un assortiment de plats bons, bon marché, savoureux. Donc, c'est un petit café qui fait bon à aller voir. C'est inspirant, sans parler de la magnifique terrasse à l'arrière qui, apparemment, est chauffée. Oh. Alors, déjà, en partant, on parle d'automne. On parle que la température va devenir un petit peu plus fraîche, sauf cette semaine, ce qui contredit ma chronique. Mais la terrasse est chauffée à l'arrière, donc vous pouvez quand même sortir à l'extérieur et apprécier votre café. Le deuxième café, c'est le café Olympique. Picot sur la rue Saint-Viateur-Ouest. Et si votre expérience de caféine doit obligatoirement être accompagnée de beaux meubles et d'une atmosphère feutrée, eh bien là, je vous dicte l'article. Oubliez ça tout de suite. OK, OK. Parce que là, je voulais ça, là. Tu me disais, puis je pensais que je voulais non, ça. Non, en fait, si vous voulez être dépaysé en quelques secondes, goûtez au meilleur latté en ville. Oh. Mathieu, toi, est-ce que t'aimes les lattés? Ben, il y a du lait dedans, fait que des fois, moins, mais... Parfois, tu peux l'avoir avec lait sans lactose. Ça peut arriver. Des fois, tu peux te sacrifier aussi pour la cause. Aussi. Ça, c'est la plupart du temps le moment le plus joyeux de ta journée, mais tu souffres après. Parce qu'on a dit qu'on était intolérant au lactose, pas c'est allergique. Et voilà. Là, ce serait mortel, ça. Mais je sais pas ce que toi ça te fait, mais moi ça me fait des plaques. Je comprends les détails, en pas tout cas, hein, non. C'est ça. Passons à autre chose. Alors, en fait, le café Olympico qui fait les meilleurs cafés latté en ville à Montréal, en plein cœur du quartier Myland, ce quartier qui est tant convoité ces temps-ci, c'est un café qui est une institution depuis 45 ans. Wow. Quand même, quand ça fait 45 ans que tu moues du café, tu dois être bon à ce que tu fais. Hein? Exact. Et les gens doivent apprécier surtout ce que tu fais. Alors, encore une fois, il y a une terrasse à l'extérieur qui est un lieu de rencontre exceptionnel. Ça ne dit pas si c'est chauffé. S'ils ne disent pas, ça ne doit pas l'être. Mais si c'est pas chauffé, cette semaine, vous pouvez y aller. Puis votre café est chaud, puis il va vous réchauffer, même pas. Oui, voilà. De toute façon, avec un foulard, un bon manteau en automne, les feuilles tombent. On aime ça. Et toi, puis l'automne, là, on va commencer à t'appeler Autania. Hey, j'aime l'été beaucoup pour la course automobile, mais j'aime l'automne pour le café. Ça te donne-tu une idée? Si t'aimes l'été, on peut t'appeler Etenia. Etenia? Oui, on pourrait faire ça. Il y a juste l'hiver. Hein? Puis printemps, parce que printanien. Ah, ben oui, évidemment. Le temps printanien. Évidemment. Dernière adresse dans la métropole montréalaise, c'est le café Les Entretiens sur Laurier-Est. OK. Je sais pas si tu connais un peu la ville de Montréal, Mathieu. Je la connais, mais pas le nom des rues. C'est en plein cœur du plateau Mont-Royal. OK. Évidemment. le... je me disais quand est-ce que ça allait venir, le plateau Mont-Royal, pour les bons petits cafés, pour la section montréalaise. Mais le café Les Entretiens est un havre de paix, selon l'article de Canal Vie. On peut y relaxer pendant des heures avec un ami, un amoureux ou même seul. Okay. Ça, c'est pour les célibataires endurcis. C'est ça. Hello! Hello. L'atmosphère et le décor chaleureux sont évidemment pour quelque chose, mais la qualité du café est exceptionnelle. Encore une fois, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Hein. Mais, tu sais, en même temps, tu dis du café, c'est du café, mais là, d'où vient le café? Oh non, du café, c'est pas juste du café. Exactement. Ouais, ouais. Quand on commence à parler de café, si le goût est exceptionnel, il y en a qui aiment ça plus corsé, il y en a qui aiment ça plus doux, il faut savoir de quoi qu'on parle. Alors, si on dit dans un article que le café est exceptionnel, c'est quand même que le café doit être sur la grosse coche. C'est ça. Merci. Et ils disent que c'est un repère idéal pour veiller avec de longues soirées d'hiver. Avec un bon livre. Ah, yeah! Alors, si jamais vous aimez la lecture, Laurier-Est, le café Les Entretiens, est peut-être pour vous, gens de Montréal, ou si jamais vous passez dans la ville de Montréal, tout simplement, et que vous vous dites « Ah, j'ai goût d'un bon café, mais ça ne tente pas d'aller au Starbucks. » Ah, au Tim, sérieux. Au moins, le Starbucks, c'est une coche au-dessus du Tim, mais on s'entend que c'est pas super bon. C'est pas super bon, mais encore là, le grain de café est pas si pire. Ouais. Non, c'est vrai. Si tu prends un café moulu de façon normale, je te parle pas d'un latte à quelque chose ou quoi que ce soit, mais le goût du café est quand même très bon. Chez Starbucks. Moi, j'ai déjà acheté en sac, il était pas mauvais, ça. Ouais, exactement. C'est vraiment Tim qui vient me biaiser parce que Tim, c'est vraiment du café dégueulasse. C'était bon avant. Par la suite, je sais pas ce qui s'est passé avec Tim Hortons. Mais il y a toujours du positif dans tout et leur torréfaction foncée est possible. Ouais, ça, je te l'accorde. Et on se déplace du côté de Québec. Zoom. Eh bien oui, ben Québec, évidemment, on le sait. Tantôt, je parlais du vieux port de Montréal, côté architectural puis tout ça. Mais en fait, Québec, c'est la ville au grand complet qui est belle à regarder. Ouais. Et les cafés qu'ils nous proposent, évidemment, ce sont des incontournables du charme historique de la ville de Québec. Alors, le premier café, là, je vais essayer d'y aller. De ma plus belle prononciation, c'est le Sebs Tea et Lounge. Sebs Tea et Lounge. Tea en français, Tea et Lounge. Tea et Lounge. Sebs. Choisis ton J'imagine bord de que langue. Le gars qui l'a ouvert s'appelle Sébastien. Ouais. Je sais pas. Là. Mais Sebs Tea et Lounge, c'est sur René Lévesque Est. Tant qu'elle s'appelle le Tea and Lounge. Là. Ah, ouais. J'avoue. Hein. Mais bon, évidemment, il dit. L'article dit que cette adresse est un incontournable pour tous les vrais amateurs de thé. Alors là, je vous parle pas de café. Là. On l'a dit non, au début, là, c'est les cafés et l'été. Et les lounges. Et les... Ben oui, et le lounge. Mais cette adresse est un incontournable pour les amateurs de thé. Si jamais vous voulez faire de nouvelles découvertes, eh bien, vous pouvez en acheter en vrac. Plusieurs dizaines de thés en provenance des contrées les plus exotiques. Donc là, évidemment, on vous parle de thé blanc, thé vert, thé noir, des thés aromatisés. Mais on ne vous parle pas non plus de David's Tea. Non. Alors, ça dit, au Sebs, il est évidemment possible de déguster une bonne tasse de thé sur place, dans une salle au design zen et moderne. Évidemment, ça vient avec le thé, hein, ça, oui. Tu ne vas pas dans un lounge à thé, puis c'est électrisant comme place. Je trouve pas que ça fait très. Est-ce que tu peux le prendre pour emporter? Ta-da! Oui! La la la la la la la la. Hein, tu peux emporter? Ouais. Okay. Tu peux. C'est un jumeau avec thé, t'avais compris. Oui. Okay. Et tu peux aussi l'accompagner de délicieuses gâteries orientales. Ah! Alors, tu vois, ça s'agence très bien avec le thé lui-même. Mm-hmm. La deuxième adresse, c'est le... encore une fois, à Québec, ils ont des prononciations assez... j'y vais, je suis prête. C'est le Café Grekov. Ouais. Je sais pas si c'est de l'allemand, mais Grekov. Ça a l'air... Russe, peut-être. Russe, oui, c'est sûr. Ouais, hein? C'est sur l'avenue Cartier, en fait, en plein cœur du Vieux-Québec. C'est un café bistrot qui propose un menu varié, délicieux. Les repas sont très abordables et... Mais ça vaut le détour. Tac. Apparemment, là, ça vaut le détour. Il est aussi possible de simplement déguster un café dans une atmosphère assez chaleureuse. Ils décrivent ça comme chaleureux, sombre, pour des moments hors du temps et des discussions interminables entre bons amis. Ah, ah, bon, interminable. J'imagine que si tu te pointes là tout seul pour lire un livre, c'est peut-être pas la meilleure place, vu qu'eux, ils disent que... discussion entre amis, ça doit faire beaucoup de bruit autour. Plusieurs gens qui arrivent à plusieurs. Puis j'espère que souvent 24 heures, c'est la discussion interminable. C'est une bonne question. Je suis rendue, en fait, à la rive nord et rive sud. Oui. Ben, là, je vous propose juste une adresse. Je suis poche, hein, mais bon. C'est pas toi qui es poche, dis-le. C'est Canal Vie. Voilà. Je vous propose une adresse qui s'appelle Toi, Moi et Café. C'est sur le boulevard Labelle à Rosemère. Et au Toi, Moi et Café, les cafés et l'été sont une vraie passion. Donc, les grains et les feuilles sont consciencieusement choisis sur les lieux de culture. Okay. Donc, ils se déplacent pour aller choisir leur thé et les grains de café. Et par la suite, ils sont expédiés et torréfiés sur place. Okay. C'est quand même cool. Oui, oui, vraiment. Oui. C'est hot. Tu sais, quand tu dis que tu magasine pas ton thé ou ton café sur Internet, qu'il y a un représentant qui y va directement. Moi, je trouve ça quand même cool. Un acheteur, comment on l'appelle? Et voilà. L'ambiance est chaleureuse. Les papilles gustatives sont comblées, apparemment. Quoi de mieux pour passer un excellent moment, seul ou accompagné? Ils disent que le boulevard Labelle à Rosemère, c'est la place où aller. Et je vous parle ailleurs dans la belle province du Québec... Au grain de café à Mont-Tremblant. OK, au grain de café. Mais ça s'appelle comme ça. Oh, oui, OK. Mais c'est à la place Saint-Bernard. Mathieu, est-ce que t'es un gars qui aime aller à Mont-Tremblant? Je ne suis jamais allé à Mont-Tremblant. T'es jamais allé à Mont-Tremblant? Outrage. Outrage. Sérieusement, j'y vais ce week-end. Et juste le fait de revoir le nom au grain de café me donne vraiment le goût d'aller me chercher un café en fin de semaine, du moment que je vais y arriver. Ce café, c'est un des plus anciens sur la montagne au Mont-Tremblant. On peut y déguster d'excellents cafés, des délicieuses viennoiseries. Là, je parle en connaissance de cause. Tout à l'heure, je parlais de certaines places que je ne connaissais pas. Mais là, celui de Mont-Tremblant, je le connais. Je vais à Mont-Tremblant plusieurs fois par année. Et oui, leurs viennoiseries sont vraiment excellentes. Plusieurs cafés alcoolisés. Ah, ça, c'est bon, c'est mes affaires préférées. C'est ça. Bon, hein? Ah, ouais. Tu sais, là, les Espagnols, les Irlandais, ce genre de café, ils font très bien ça. Il y a des bières aussi de microbrasserie, de brasserie et de délicieux repas sur le pouce, des sandwichs, des salades, des panini. L'ambiance est très chaleureuse au grain de café. C'est un endroit parfait si jamais vous y allez en hiver. Après avoir descendu les pentes, évidemment, en ski ou en snow, mais aussi en automne, parce qu'il commence à faire un petit peu plus frais habituellement à Mont-Tremblant, beaucoup plus rapidement qu'exemple ici ou à Montréal. Donc, c'est le fun d'y aller, de voir passer les gens, de sentir l'odeur des feuilles. J'ai hâte d'aller à Mont-Tremblant en fin de semaine. Tu comptes les dodos? Hey, je compte les dodos de façon assez exceptionnelle. Et je vous disais que Trois-Rivières n'était pas dans la liste. Ben non, mais on peut en mettre quand même, nous autres, sur la liste. Là, on va ben la réécrire. Oui. Je crois que je vais vous présenter en fait simplement le torréfacteur. Ben c'est ça, je pense que c'est on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est un incontournable dans la ville de Trois-Rivières que si jamais tu veux déguster un très bon café autre que celui du café Morgane, on doit le dire. On doit le dire. Il est très très dispendieux, mais du café ça se paye dans la vie, tu sais. Ben oui, ça si tu veux qualité versus prix. Voilà. Et le torréfacteur, c'est à l'intérieur du temps d'une pinte. Oui. Au centre-ville. Cherchez pas trop loin, là, c'est à côté de la chocolaterie, tout ça. Fait que ouais, c'est ça, café, c'est... chocolat, bien. Pas loin du Nord-Ouest. Oui. Mais oui, le torréfacteur côté café. Oh que oui! Voilà. Voilà, c'était la petite chronique de Tania is gonna entertain ya! Oui! Puis en fait, au retour de, je sais pas moi, c'est une pause musicale chanson, qui ouais. s'en vient, ouais. ouais. Ben, au retour, je vous parle d'un film qui pourrait très bien accompagner un petit café ou un thé ou encore un chocolat chaud. Mais regarde ça, qu'est-ce que je te propose comme chanson? C'est Délice de Sarah. Sarah, as-tu de l'allure, ça? Sarah, ben de l'allure. Ouais, je suis pas fier de celle-là, par contre. Ouais, c'est un petit peu plus sexuel que ça en avait l'air par le titre. C'est ce qu'on se disait en ronde. C'est ça. Sarah avec Délice. Toujours dans la chronique de Tania Baudin, Tania is gonna entertain ya. Et tu veux nous présenter un petit film pour aller avec le café qu'on va boire? Oui, bien en fait, Matt, la semaine passée, on parlait des émissions que toi t'aimes écouter. Ouais. Mais là, je vais te poser la question, quel genre de film que t'aimes écouter s'il fait froid un peu, début d'automne? C'est drôle, tu vas trouver ma réponse vraiment plate. J'écoute pas tant de films que ça. Ah! Mais on dirait que j'aime pas ça parce que quand j'écoute un film, je m'attache au personnage. Ouais. Il y a pas de suite. Alors qu'une série télé, quand t'embarques dedans, tu t'attaches, puis tu sais, je veux pas que ça finisse. Ça reste film, plus longtemps. C'est trop une parenthèse, c'est pas assez long. Ouais. Mais je suis une fille qui aime beaucoup écouter beaucoup de films différents. Bon. C'est un peu comme les styles musicaux que j'écoute, en fait, et que j'essaie de vous faire découvrir au fur et à mesure. Mais là, je vous parle, en fait, du film, le premier film réalisé par Chris Evans. Eh bien, oui, c'était de se lancer en réalisation de films, qui est sorti dernièrement, début septembre 2015. Et c'est le film Before We Go. Okay. Je vous mets déjà un peu dans l'ambiance. On parle de comédie romantique, comédie dramatique. Mais j'ai aimé ça parce que c'est pas le genre de film que j'aurais tout d'abord dit « Ah, je vais aller écouter ça au cinéma. » OK, parce qu'il n'est pas torse nu tout le long. Non, pas pour ça. Okay. Mais d'après moi, je me serais, juste avec l'affiche, je me serais dit « Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop quétaine. » Ça, j'aimais pas en voir ça. C'est ce que je me disais en fait. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait, c'est que le film est pas tant quétaine. OK. Je vous lance le synopsis comme ça. En fait, c'est une femme qui rate le dernier train en partance pour Boston. Elle est à New York et elle s'est fait voler son sac à main. Oh. Oh, oh, oh. En fait, elle rencontre un joueur de trompette dans la gare centrale de New York qui est Chris Evans. Il s'est cassé lui-même. Oui. Il s'est donné le rôle principal. Il l'aurait cru. Mais c'est très bien fait, en fait. Et j'aime beaucoup le personnage de Chris Evans qui, tout au long du film, tu penses qu'il est comme démoralisé de la vie, mais qui fait en sorte de donner à la soirée de la fille qui vient de se faire voler une soirée quand même assez inoubliable. Et voilà, s'ensuit une nuit où deux inconnus se découvrent et partagent une aventure dans les rues de New York. Il joue de sa trompette, j'imagine. Même pas. Même pas? Il joue une fois. Avec sa trompette? Ben, la trompette qui joue dans la gare centrale. Ah! Je savais très bien de quel genre de trompette tu parlais. Mais non, en fait, c'est justement... c'est le genre de film que tu dis « Oh mon Dieu, ils vont tellement tomber en amour, ils vont tellement frencher tout le long du film, ça ne tente pas. » Mais non! Ça arrive, mais c'est pas pour ça que tu veux voir le film. Ben, ça arrive pas nécessairement comme tu penses que ça va arriver. Il y a quelques surprises. Ouais, je veux pas donner le punch, non. Mais c'est un film avec Chris Evans, comme tu viens de le dire, le réalisateur qui s'est auto-casté, et Alice Eve, qui joue le rôle de Brooke Dalton. Et en fait, comme je l'ai dit, c'est un film qui est assez agréable à regarder parce que ça vient à l'encontre de tout ce que tu penses qui va arriver. Je vais vous donner juste un petit punch, là. La fille est déjà mariée. Donc, ça fait en sorte qu'il vient un nombre de péripéties assez... Elle trompette son mari! Même pas! C'est ça qui est le fun. C'est... Tu sais, tu vois dans le genre de film de Nicholas Sparks ou le genre de film vraiment comédie romantique à fond, ouais. Tu te dis, il va arriver ça! Tu sais, c'est le genre de scénario parfait. Eh bien là, dans ce film-là, c'est pas le genre de scénario parfait, mais c'est le genre de scénario réaliste. Okay. Et c'est ça qui est le fun à voir. Et c'est le fun aussi de découvrir les deux personnages qui passent une soirée tout simplement ensemble pour essayer de se sortir du trouble dans lequel elle s'est mise et dans lequel lui s'est mis, qu'on va commencer à comprendre peu à peu que le film va commencer. Wow. Et comme ça, juste rapidement... en flèche avant de terminer l'émission. Eh bien, ça a été un tournage éclair. En temps normal, le film va passer quelques mois sur à tourner, justement, le film et tout ça. Eh bien, le film a débuté en décembre 2013 dans le quartier du Lower East Side à New York, mais c'est fut assez bref parce que ça a duré seulement 19 jours. Court. Très court, mais donc plaisant à regarder. Comme je vous le disais, c'est un scénario réaliste et c'est ça qu'on aime même à la fin. Mm-hmm. Je regardais le casting qui jouait la fille, Alice Eve, je ne la connais pas. Très jolie jeune femme. OK. Ouais. Ben, Colin, ça s'appelle Before We Go. Mm-hmm. Et voilà, Before We Go, est-ce que ça va se traduire en français, ça? En français, ça semble être le même titre. Before We Go. Oui, c'est Before We Go. Il n'y a pas de titre en français. Voilà. Pour l'instant. Avant que l'on parte. Ouais, avant qu'on peut-être s'en aille. Ou de, avant qu'on s'en aille. Avant le départ. Avant de se quitter. Ouais, genre, il y a tellement de... C'est ça, les titres de films en anglais ont tout le temps plusieurs significations que tu peux pas vraiment traduire littéralement. C'est terrible, hein? C'est terrible. Je suis d'accord. C'est pour ça que les Français choisissent d'autres titres en anglais avec des mots qu'ils sont capables de prononcer. À la place voilà. De titre en français. T'sais. Ouais. Donc, Before We Go de Chris... C'est ça, Chris Evans. Chris Evans, exactement. Génial. Merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Merci, Mathieu Plante. Petite chronique quotidienne. C'est là-dessus que termine cette édition d'Assemblage requis, par contre. On se quitte pour une autre journée sur nos ondes. On va remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui avant ça. Marie-Laurence Audet qui était là pour la chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Gabriel Béhoud pour Dans les coulisses de la Luitre. Plus tard sur nos ondes, il va y avoir à 11h le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, il y a réanimation à 19h. Entre les deux, mon cœur balance, comme toujours. Est-ce que ça va être quelque chose ou autre chose? Ça va être... choix A, option B, option C, bêta, alpha, gamma, on ne sait pas. C'est.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados-Diffusion. Demain, on aura Alexandrine Pichessir et sa nouvelle chronique. Elle va être de retour. Sébastien F. Gartin va être là avec sa chronique d'actualité et Frédéric Bernard avec Google Globe. C'est demain à l'émission. Merci encore, Tania Beautin. Merci beaucoup, Mathieu Plante. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Bonne journée, les petits requins. À demain. À demain. À demain. 6h30, en direct à partir de 7h30.